Salut les petits clous, vous êtes bien sur RQC et c'est 80 à l'heure. Allez, à plus, ciao. Mais vas-y, Anissa, je t'en prie. Sur un ça y est, ils sont déjà morts de rire. On dirait que je t'ai collé contre le micro. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous êtes en direct de l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM Moucron. J'espère et toute l'équipe qui m'accompagne que vous allez bien par ce temps très frisqué en ce moment parce que ça caille sévère. Oui. Hein, mais ici, il fait très très chaud dans les studios. On est même en t-shirt. Sherlock a mis son pull aujourd'hui. Oui. Mais j'ai pas envie de te parler parce qu'il paraît qu'il faut être poli dans cette émission. Donc je ne commencerai pas par toi. Je commencerai par Flipcap. Bonsoir. Eh oui, bonsoir. Comme, voilà, bonsoir. On dit toujours honneur aux vieux. Ouais, bah, écoute, et quelque part, je le prends bien. C'est un honneur pour moi. Oui, voilà. je suis, comment vas-tu? Mon foie, oui, bien. Ton foie va bien? Mon foie, oui, un peu moins bien, mais. Je suis surpris. Je suis surpris. Ouais, non, parce que oui, non, ce week-end, oui. Oui, mes antennes me disent que ton foie morflait ce week-end. Oui. Donc, c'est bien. Une chronique aujourd'hui? Malheureusement, non, j'étais prêt de cours. Tu le disais, pouvoir, oui, malheureusement. A contrario, si on... c'est vrai que la semaine dernière, t'en avais une super prête, préparée, oui, et puis j'ai pas pu la lancer techniquement, on s'en excuse. Donc, non, j'ai une, après-midi, donc, voilà. Une fin d'après-midi chamboulée, donc j'étais prêt par le temps pour ressortir tout ça. D'accord, d'accord. Mais partie remise. T'interviendras dans les chroniques de Onissa. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Oh, j'espère que vous allez bien. Oh ouais. Oh, vas-y. Je vais bien, tout, tout va bien. Bien. Oh, regarde une mouche. Alors, toi, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Ah, moi, j'ai vu une super émission, M'Pokora qui reprend Claude François. Je sais qu'il y a beaucoup de détracteurs, mais franchement, c'était le top. D'accord, c'était sur... J'étais sur TF1. D'accord. Samedi soir, et franchement... Je m'attendais pas à une si belle émission et allez, des belles reprises, il a bien fait ça quand même. Donc tu nous feras le retour et puis, ouais, et puis je t'épaulerai parce que j'ai une certaine idée sur les reprises d'M'Pokora et de qui iront dans ton sens. Qui iront dans ton oui, sens. Oui, franchement ouais. Au départ, c'était pas gagné mais waouh. Si si, c'est plutôt pas mal. C'est ouais. Plutôt pas mal. Et nous avons et il est revenu. Et surtout pour vous, chers auditeurs, donc aujourd'hui, pas de blin, pas de musique merdique, pas de titres que je vous annonce et qui ne sont pas celui que je vous passe. Pas de musique merdique, pas on ne sait pas ça. Ouais, ça, on ne sait pas. Pas de par contre, on va retrouver des chroniques merdiques. Voilà, c'est ça. Ouais, elle manque quand tu n'es pas là. Voilà. Donc, c'est gentil, merci. Avec notre Sherlock national. Hein. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Tu vas mieux? Oui. C'est vrai que là, ça a été compliqué la semaine dernière. Bah oui, oui, oui. Et puis les auditeurs, là, c'est vrai qu'on s'excuse depuis 5 semaines. On a, alors une fois, j'étais souffrant et moi, je suis pas venu pendant plus de 3 semaines pour des raisons perso. Sherlock était souffrant. Flipcat, je crois, a manqué aussi une fois parce qu'il pouvait pas être là. Oui. Et aujourd'hui, il y a une voix que vous n'entendrez pas. C'est celle d'Harry, notre oui. Mentor, notre frère, notre père, notre grand-père à c'est tous ça, et à ouais. toutes. Arrière-grand-père pour moi. Voilà. C'est le vieux Schtroumpf voilà, de l'émission. Voilà, qui nous a dit que, bah, à nouveau, voilà, ses ennuis de prostate ne s'arrangeaient pas. Et il ne pouvait donc pas être avec nous aujourd'hui. Donc si tu nous écoutes, on te fait de... Enfin, vu tes problèmes, de gros bisous de loin. Mais de loin, mais très loin. Non, soigne-toi bien. Donc bah voilà, vous avez entendu les airs de grippe et tout ça. Et puis Harry est souffrant. Et puis ça arrive. Et puis il sera là en pleine forme la semaine prochaine pour venir faire la fête avec nous et commencer à recevoir des invités. Parce que ça fait un petit bout de temps. Ah oui, c'est vrai que ça manque. On n'en a pas. Donc sachez qu'il y en a qui vont arriver là. On commence à avoir des dates. Moi, je suis en relation aussi avec certains artistes. Mais ils se font tarder vers février, mars. J'ai du mal à les faire venir au mois de janvier. Voilà. Voilà. Et pour l'actualité, moi, je vous parlerai d'une personne aussi dans quelques instants qui nous a quittés et qui était très, très connue. Voilà. Et oui. Elle nous a quittés il y a 9 ans de ça. Mais j'en parlerai après. Et de l'actualité aussi qui s'est passée récemment à Waterloo et qui se passera bientôt à Moucron pour la Saint-Valentin, les filles. Oh yeah. Ah. Qu'est-ce que tu nous mets non, pardon. Ça y est, avec on parle de Saint-Valentin voilà. Tout de suite. Hein. Ça, question à pro, c'est réussi. Hein. Bah, non, on a retrouvé notre thème et bah, écoute, national. Et sans transition, oh, si, une petite quand même avant. Comme ma femme est dans les locaux ce soir, l'amour je me suis dit, je vais mettre deux chansons pour elle. Ouais. Oh, c'est beau. La première, c'est Richard Gottener avec Femme à lunettes. Femme qui voit bien de loin. C'est ça. C'est très connu. Et la deuxième, c'est Les Divas du Dancing de Philippe Cataldo. Ah, d'accord. Parce que je sais qu'elle adore cette chanson. Bah, il faut lui faire une dédicace avec ton petit nom. Son petit nom quand même. À toi, ma chérie, vas-y, tu nous le fais là. Ah ouais, vas-y. Saint-Valentin, style lover. Non, mais tu me regardes pas, regarde ah ouais. ça. Ça va te motiver, moi, ça me troublait. tu nous le fais, genre j'ai, bah, ce soir, j'aimerais bien. Après la soupe. Eh bien, écoute, ma chérie, ce titre est pour toi et uniquement pour toi. Donc, tous les autres auditeurs, vous pouvez couper votre. Non, je déconne. Donc, le deuxième titre est spécialement pour toi. C'est Philippe Cataldo avec les Divas du Dancing. Mais juste avant, tu vas devoir quand même écouter Femme à lunettes de Richard Gottenes. Ça marche, yeah. On vous reprend. Allez, ça. C'est parti. Les violons, ça fait rêver. Les yeux et fais-toi désirer. Toi qui connais si bien le cœur des femmes, tous les mots qui les enflamment, c'est qui le temps d'un tango se dame, frémissant et parfumé. Toi tu sais où les trouver. Les divas du dancing, les divas du dancing, les cinglés du mambo, celles qu'on ne verra jamais dans les distos, les fanas du saxo, les félis du basso, celles qui pensent encore au temps du Mikado. Les divas du dancing, les divas du dancing. Le bandeau ça fait rêver, fais-les mourir le temps d'un baiser, sans l'ombre d'un palmier. Toi qui fais brûler la chair des femmes, sans jamais donner ton âme à celle qui sous ton regard se pâme, frémissante et parfumée. Toi tu sais où les trouver. Les divas du dancing, les divas du dancing, corps serré, cœur glacé, elles gardent de toi un peu de gomina sur le bout de leurs doigts quand elles ont caressé cette nuque bleue qu'elles aiment t'embrasser. Les divas du dancing, les divas du dancing, sans jamais donner ton âme, sans jamais verser de larmes, larmes, larmes. Les divas du dancing, les divas du dancing, les cinglés du mambo, celles qu'on ne verra jamais dans les discos. Les cinglés du mambo, du mambo, les fadas du saxo, du saxo, les fêlés du basso, du basso, les accros au bandeau, au bandeau. Les cinglés du mambo, du mambo, les fadas du saxo, du saxo, les fêlés du basso. Salut ses partenaires. Salut ses particuliers. Et on est avec vous sur RQC. Dans l'émission 80 à l'heure. Je suis un être à la recherche. Dire qu'on a pu faire ces chansons-là, partenaire particulier. Et, ouais. Et donc avant, c'était femme à lunettes, femme qui voit bien de loin. C'est ça. Et Lady va du dancing. Ouais, hein, c'est Philippe, ça. Philippe Cataldo. Ouais. On faisait vraiment de bonnes chansons quand même à l'époque, parce que quand tu l'écoutes musicalement, je n'en reviens pas moi dans cette émission de. Quand t'écoutes, tu dis c'est pas possible que ça puisse fonctionner. En fait, c'est, bah c'est ouais, des tubes, planétaires. Planétaires. Et moi, donc, ça me rappelle toujours la parodie des Inconnus. Oui, oui. Que j'ai encore vu il y a peu, il y a eu une émission complète. Ah bon ? Oui. Ah bon ? Et ah, il y avait la parodie donc avec Isabelle à les yeux bleus et la oui. face B, et Isabelle Gwendoline. À les yeux verts. Ouais. Gwendoline à les yeux verts. C'était Gwendoline ? Gwendoline, c'était Isabelle ouais. à les yeux bleus et Isabelle à les yeux verts. Mais c'est pas je mal. Sais, je sais plus. Ouais, c'est et ça. Après, il y avait les bidons d'huile. Enfin, je trouvais que ça, ouais. c'était, franchement, c'était ah pas oui, mal. Ouais, ils ont été... Les Tranxènes. Les Tranxènes 2000, oui. Un qui a repris ça un peu, c'est comment avec Coucou, tchac, tchac, comment ouais, c'est Mikaelioun. Je le disais en néerlandais pour nos auditeurs. Ah oui, c'est la version. C'était la version néerlandaise. Hein, c'est. D'accord. On a spoken Netherlands, matché. D'accord. Ah, mais c'est bon à savoir, donc tu parles néerlandais. Oui, oui, j'avais déjà remarqué, moi. A claim, matché, ja. Ja. Juste vos betal. Un glace bœuf, on habite au Schnell d'un coup. Ça, c'est de l'allemand. Ya. Yeah. Ouais. Mais ça y est. Il y a un exprès. Ça part des gens cacahuètes. Je comprends plus rien, moi. Moi, je suis franco-français. Tu veux que je te parle homme? Moi, parler femme. Wow. Salut, je m'appelle Robert. Donc voilà, bah, mais c'est toujours l'ambiance sur RQC. Ouais, bah, oui, ah, bah, ça, t'inquiète pas, ils ont bien compris. Hein. Ils ont bien compris. Ils ont dit, on a retrouvé l'équipe de cinglés, ouais, c'est bon, ça, on est bien calé, c'est la bonne fréquence. Peut-être pas sur RQC, mais dans 80 heures, ça, c'est une chose. Alors, un petit peu d'actu aussi, moi, je vais vous parler, il va y avoir deux choses. C'est le dimanche 12 février, si vous savez qu'on va s'approcher de la Saint-Valentin. Donc c'est déjà le mois prochain. Ah oui, il faut un Valentin. Dans moins d'un mois, ouais. Voilà. Il y a la peinture. Il y a du boulot. Seul. Je resterai seul. Je crois qu'elle va manger des chocolats en regardant Bridget Jones. Sans déconner. Il y a. C'est pas l'année dernière, mais je crois l'année d'avant. Oui. J'avais fait à Paris avec une copine comme ça, à Paris à con. Passer une annonce pour la Saint-Valentin, que je cherchais une Valentine, même si elle ne s'appelait pas Valentine. Bah sérieux, j'ai une réponse. Allez, ouais, c'est beau. Et on MP encore, je te jure, oui. C'est... Moi, t'as passé une bonne soirée, j'espère, quand même. Bah, ça n'a pas pu se faire, malheureusement, mais on s'est rattrapé après. Bah, repasse une annonce. Écoute, moi, j'ai un ami récemment qui a mis recherche chat pour mon arbre à chat. Ouais, c'est vrai, il a vraiment mis, et il a reçu beaucoup de réponses. Donc, tout ça. Donc, il n'y aurait rien eu, il y aurait eu les boules, quand même. Il y aurait eu les boules, absolument. Bah, remarque, il y en avait qui avaient le sapin, qui avaient les boules, comme ça se complétait. Donc le 14 février, en fait, c'est la Saint-Valentin. Donc il y a un événement qui se passe avant, c'est on les avait reçus assez souvent, c'était le quartier du Petit Courtrai. Oui. Il y a la Saint-Valentin qui est organisée là pour le coup le dimanche 12 février. Il va y avoir une chanteuse assez exceptionnelle qui est Véro Solo qui fera toute l'animation. Donc le dimanche 12 février, la Saint-Valentin, c'est gratuit, hein, vous rentrez, c'est sans réservation, il y a de la petite restauration, il y aura de chant, de danse et j'interviendrai. Je chanterai un tout petit peu aussi avec elle. Et d'ailleurs, le 14 février, deux jours après, je chanterai pendant plus de 2 heures 50 chansons, des plus belles chansons d'amour de la chanson française étrangère aux tables de Bruegel à Mouron. D'accord. Voilà, je dis comme ça. J'ai envie de me faire ma pub. Et merde. 50 chansons. Wow. 50 chansons, ouais, c'est un set complet. 50 ça chansons des les plus. Ah oui, ça va aller. Ça va aller. Mais c'est... Tu seras pas là alors. Pardon ? C'est un mardi. Je ne serai pas là à mardi. D'accord. C'était encore un 8, on coche. C'était pour vous signaler que le jour de la Saint-Valentin, bah je comprends même pas que vous soyez là par le jour de la Saint-Valentin. Bah, par les célibataires, moi je suis là, hein. Voilà. Ben ouais. Voilà. Bah écoute, j'avais pas encore planifié, donc je m'étais pas encore dit, tiens, ça tombe à quel jour la Saint-Valentin, c'est ça. Donc voilà, je vous mettrai une petite invitation à ceux qui veulent rejoindre, mais bon, ça sera entre 20h et 22h30 où j'interviendrai en chant pour les gens qui sont assis, et voilà, je vous en parle. C'est dommage qu'on peut pas faire l'émission là-bas. Ouais. Oh, mais t'es la seule à la fin de la soirée de la Saint-Valentin à sucer des chips, toi. Ah non, moi, j'ai... Quand t'as pas d'amis, tu manges des curly. Ouais. Ouais, effectivement. Ben là, je les sucerai. Donc voilà. Donc voilà. Ça n'engage que toi. Hein, J'embrasse aussi. Alors, de l'actualité qui s'est passée, bah, c'est notre ami Harry qui a fait l'animation en fait des vœux de la rétro-fanfare à Waterloo. Ça s'est passé samedi dernier. Donc ça s'est super bien passé. Il y a la rétro-fanfare qu'on avait reçue ici aussi, hein, qui a fait ses vœux devant plus de 200 personnes. Et ça s'est super bien passé avec un autre groupe aussi qui s'appelle les Gangsters. Ça a cartonné tout ça. Et on m'a demandé de contribuer, voilà, pendant une heure aussi, à miauler un petit peu. Et ça s'est super bien passé. Donc s'ils nous écoutent, je les embrasse. C'était un bon moment. C'était vraiment un bon moment. C'était vraiment très sympa. À Waterloo, il se passe beaucoup de choses quand même. Hein. À Waterloo, il se passe vivant, beaucoup hein. de choses. Absolument. C'est vrai que c'est impressionnant. Quand même. On est là, quoi. On est là. Donc voilà, c'était pour la petite actualité qui s'est passée cette semaine. Et okay. Dis-moi, le 12, là, ça se passe où alors exactement ? Alors le 12, c'est le quartier du Petit Courtrai, c'est rue de la Martinoire à Moucron. Ah ouais, okay. C'est ce qu'on appelle le quartier du Petit Courtrai, c'est dans une salle chauffée, évidemment, place assise, petit resto. Ça va chanter, ça va danser, il y a de l'animation. Comment le dire, moi il y a 3 ans de ça j'y suis allé pour la première fois, je me suis dit bon, comité de quartier truc, qu'est-ce que ça va être et tout ça, c'est super bien, c'est eux qui font qui organisent aussi la Saint-Nicolas, les Allumoirs, ils font évidemment les 2 jours au mois de septembre et j'étais sur scène l'année dernière aussi avec Fabricio Zeva, il y a plus de 800 personnes, hein, 800 personnes pour un comité de quartier, c'est super bien organisé, il y a des bénévoles et plein de personnes qui s'occupent de ça, c'est vraiment sympa. C'est aussi bien vivant, ça, voilà. On entend souvent. Ah, c'est bien vivant, voilà. Et puis moi, je commence à y mettre un peu mes pieds aussi, parce que je trouve ça super sympa, et c'est très festif, et donc voilà. Et donc voilà, ah, je connais quelqu'un qui fait partie du comité, et, et qui s'en... pas de réservation pour, je vous en reparlerai. Ouais, et puis Vero Solo, elle assure un max. Hein, voilà. Quand même. À Vero Solo, assure ouais, très très bien. Donc, c'est vraiment une très très bonne chanteuse qu'on peut retrouver à la Maison du Canal assez régulièrement, dans d'autres endroits, chez Charlie aussi. Donc c'est pas faire la pub aux établissements, mais elle est vraiment très souvent sur Moucron. D'accord. Voilà, voilà pour la petite histoire. Je vous laisse la parole, mes amis. Bah écoute, amis. Moi je vous propose de faire une petite coupure musicale. Oui. Alors avec Mel and Kim. Et Showing Out, c'est Get Fresh at the Weekend. Alors la dernière fois, quand, alors je crois que tu n'étais pas là quand Stéphane était venu pour faire son défi mix. Non. Ouais. Il avait passé le titre Respectable. Ouais, Respectable. Respectable. Ouais. Et là, bah, en fait, c'est l'autre titre qu'ils ont sorti, c'est Get Fresh at the Weekend. Et ensuite, on est embêté depuis le début de l'émission par une petite mouche. C'est vrai? Bah oui. Et de ce fait-là, je vais passer les négresses vertes avec Zobie la mouche. Zobie la mouche. Excellent. Voilà. Comme ça, elle va peut-être arrêter nous faire voilà. Des siennes. Nous faire suer. Ouais. Voilà. Faire suer. Allez, on se retrouve après ça. C'est parti. Reconnaissez, ah, c'est moi. Eh oui, vous êtes bien dans 80 à l'heure sur RQC 95 FM, 95 FM. C'est toujours l'émission 80 à l'heure, mais on avait un petit message spécial pour une mouche qui nous embête depuis le début de l'émission. Elle est partie. Elle donc, est partie. Zobie la mouche, et tu peux te barrer, voilà. Voilà. Et elle s'est barrée. C'est ça. Mon Dieu. Bah, je pense que j'avais jamais entendu cette chanson. C'est vrai? Non. C'est vrai? On parle de Zobie la mouche, mais franchement, j'avais jamais entendu la chanson. Ah bon. Ah ouais. Bah c'est vrai que c'est pas celle qu'on entend le plus facilement en radio. Ouais. Hein. J'avoue que on entend plus Voilà l'été ou on n'irait pas forcément voir un concert de la mouche. C'est vrai. Forcément très longtemps. En parlant de concert et de musique, tu devais nous parler. Non, je demandais. Pardon, c'est Flipkat qui devait nous parler d'un événement. Oui. Aussi important. Alors attendez, je vous demande un instant. Ah pardon. Mais, ce que je voulais annoncer, c'est j'ai publié ça, je pense, courant de semaine, oui, sur la page de 80 à l'heure. Le 28 janvier, alors là, on aimerait bien essayer de motiver un peu plus de gens. Il y a un repas qui est organisé, un repas dansant. Alors, c'est pour quoi, en fait? Voilà. C'est pour un jeune garçon, quoi. Hein. Génial. Ouais. Oui, alors, c'est pour un petit garçon qui s'appelle Hugo. Alors, ça a été fixé ici au samedi 28 janvier 2017. Ça se passe à Verquignolles. Alors, la salle, par contre, c'est... Alors, c'est où, Verquignolles? Verquignolles, donc, on a regardé, hein, effectivement, c'est de pas de Béthune. Entre Béthune et Neulémine, hein, tu m'avais dit. C'est ça, ouais. Voilà. Donc, ouverture des portes à 19h. Alors, bien entendu, comme c'est un repas, il y a une participation qui est demandée, sur réservation. Les places sont limitées. Pour les adultes, c'est 15€. Et les enfants, jusqu'à 12 ans, 7€. Oui, là, j'insiste, on est encore jusqu'à demain, puisque la date avait déjà été reportée une première fois, faute de participants. Mm-hmm. Sachez que c'est pour une bonne cause. Je ne me souviens plus exactement le problème qu'a ce petit Hugo. Savoir que donc c'est un problème de santé, sûr, mais je voudrais pas dire de bêtises, hein, donc voilà. Alors si vous voulez avoir de plus en plus de renseignements, il y a le numéro de téléphone auprès de qui vous faire les réservations, hein. Je pense que ça doit être la maman probablement, le numéro est indiqué donc sur notre page, la page de 80 à l'heure. Je peux donner peut-être le numéro. Oui, vas-y. Alors pour c'est un numéro français, un numéro de portable 06 68 57 42 78. Et donc, on peut encore faire les réservations jusqu'à demain soir. Bon, voilà, si vous voulez faire donc, c'est pas une bonne cause. Pour une bonne cause. Merci. Voilà. Voilà, écoute, merci à toi. Et en parlant d'enfants gravement malades, est-ce que vous avez entendu le truc qui est arrivé il y a quelques temps en Espagne? Il y a un papa qui a fait toutes les télés du pays pour demander des dons pour sa fille. Comme quoi elle était gravement malade, et en fait, il a tout détourné l'argent. Oh. Il s'est acheté des bagnoles de luxe, il s'est acheté des montres de luxe, ils ont je sais plus combien de millions de récoltés, et en fait, la petite apparemment n'avait rien du tout, il l'avait juste mis en scène, la petite, forcément, elle n'était pas trop au courant de ce qui se passait. Ouais, quoi. Ouais, bien sûr, c'est un enfant. Et donc, il a été arrêté à la frontière franco-espagnole, donc du côté du Pertus, hein, près de Perpignan, ouais, et tout ouais. Ça. Et apparemment, dans son ordinateur, il y avait des photos un peu, un peu bizarres aussi de sa fille. Hein, donc donc là, ils sont convoqués au tribunal et tout, le tralala. Enfin bref. Quoi. C'est donc ça l'histoire. Et de ce fait-là, ouais. Et le problème, c'est que le fait qu'il ait fait ça, les dons en faveur des maladies rares en Espagne ont chuté de je sais pas combien de pourcents. Oui, c'est ça, c'est toujours les autres qui payent. Hein, alors attention, c'est vrai, je me permets. Hein. On rebondit. Alors le petit Hugo, par contre, c'est vrai. Parce que là, ouais, non, mais c'est pour ça. Ouais, c'est ça. On rebondit sur l'anecdote, mais là, c'est parce que voilà, le petit Hugo, c'est vrai. Je suis d'accord de ton côté. J'avais relayé une information il y a 3 mois de ça où c'est pareil. La personne m'a dit, je dis, écoute, je suis animateur radio non connu, mais j'engage pas la radio à parler avec mes collègues de ça. Essaye au moins, parce que j'avais peu d'éléments. Le médecin, j'ai reçu un certificat médical qui aurait pu être vrai ou faux aussi, mais enfin, au moins demander parfois, parce que vous nous sollicitez, c'est un petit message qu'on vous donne aussi, je sais pas à vous les gars, mais je suis aussi souvent sollicité par... On peut pas être à tous les repas, on peut malheureusement pas donner, moi j'essaye aussi de faire au mieux avec mes collègues, mais c'est vrai qu'on est sollicité, je fais un peu de photographie, je veux bien en faire une de temps en temps, mais on peut pas être disponible tout le temps, parce qu'évidemment on centralise tout en tant que radio, et comme on est un peu bonne patte, donc voilà, quand il y a des événements vraiment hyper compliqués, où ça touche des enfants, on relaye un petit peu la formation, mais on peut pas se faire chevalier, faire de lance, alors qu'on aimerait bien à titre perso, mais on peut malheureusement pas le faire tout le temps. Mais à savoir si que pour ce petit Hugo, hein, donc que les fonds récoltés, donc c'est pour une bonne cause, et il faut savoir qu'il y a quand même, je pense, il fallait un minimum de 100 participants. Oui. Il y avait une première date qui avait été fixée, faute de participants, la salle, pas une question de rentabilité, hein, c'est normal. La date avait dû être reportée, et là je pense que c'est vraiment, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est la dernière fois, parce qu'après, on peut octroyer la salle. Pour ma part, et même si les parents m'entendaient, je pense que de toute façon, monter toute cette organisation, les gens ont envie de donner, mais il y a tellement de choses. Le mieux, c'est de créer une page avec une vraie explication et faire un appel aux dons. Aujourd'hui, je donnerais peut-être pas 12 euros pour... c'est pas une question d'argent, mais 12 euros pour aller là-bas parce que je suis peut-être pas disponible, là où je laisserais peut-être 1,50€, 2€, et qui sera beaucoup plus rentable puisque c'est du direct, tu vois. Hein, donc voilà. Enfin, oui, je t'en prie. Pour rebondir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allé la semaine passée voir Marjorie ou pas? Je pense que la semaine passée, c'était la remise. Au niveau du... Non, oui, c'était un mardi. Et je pense qu'on c'était a été mardi tous... Passé, oui. C'était un... Alors, j'ai vu qu'il y a un message qui était passé comme quoi... Harry aurait apparemment du retard à cette remise de médaille. Voilà, mais je pense qu'il y est allé, devait nous faire un retour aujourd'hui. Malheureusement, on ne l'a pas eu. Donc, de toute façon, on le verra certainement la semaine prochaine et faire un retour. Donc, Marjorie, c'est la personne que nous avions reçue et qui a un gros problème de santé. Elle en a même de multiples. Et comme elle est appareillée avec une béquille et tout ça, elle s'était lancée des défis extrêmes. C'était escalader. Alors, j'ai plus les distances et tout ça, mais escalader plus de 2500 mètres, voilà. Descendre en rappel. Sauter, si je ne m'abuse, faire du canyoning, plonger, elle n'a pas pu le faire sous l'eau glacée. Oui, bon, ça va. faire de l'apnée sous la glace, il n'y avait pas assez de glace. Donc, non, mais ça automatiquement. Mais j'ai vu pas mal d'articles sur la Miss. Là, elle est passée un peu à droite à gauche. Elle m'avait envoyé aussi un truc où malheureusement je pouvais pas y être. Mais on lui fait des gros bisous. Harry nous refera certainement un retour là-dessus. Moi, j'aimerais vous faire non pas une petite chronique, mais je vais vous parler d'un personnage qui est disparu, en fait, il y a 9 ans, jour pour jour, aujourd'hui. Il s'agit de Jean-Chrysostome Dolto. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça te parle? Oui, Dolto, c'est... Carlos du tout. Ou... Ouais, absolument, c'est Carlos. C'est Jean Chrysostome. Ouais. Et j'ai appris en fait que c'était le fils de Françoise Dolto. Oui, Françoise. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas Françoise Dolto, enfin psychanalyste, mais surtout dans le milieu enfant, etc. Elle a eu beaucoup de travaux là-dessus. Donc il est né le 20 février 1943. Il y a un petit fond musical si tu peux le passer. J'ai fait un petit mix avec ses 10 chansons, donc on va peut-être pas toutes les écouter, mais tu l'auras en fond. Voilà, ça va. Voilà. Donc il est mort à Clichy le 17 janvier 2008, hein, donc c'est bien aujourd'hui. Donc pourquoi c'est un ami proche du club Dorothée et de Dorothée personnellement. Dédie Barclay, Chantal Goya, Sim Dave, Annie Cordy, Johnny Hallyday, donc c'est vraiment cette époque-là. C'était vraiment un répertoire comme on l'entend. Il a commencé, je pense, en tant que secrétaire de Sylvie Vartan, je crois. Il a fait en fait par la suite, c'est-à-dire en 67. Alors, est-ce que vous saviez, il était très très jeune, à 14 ans, il devient l'ami de Sylvie Vartan. Mm-hmm. Donc, il a connu très très jeune. Ouais. Il est devenu son secrétaire plus tard. Vous savez pourquoi il s'est baptisé Carlos? Non, ça vous parle pas? Non, je sais pas. En fait, alors j'ai essayé de trouver sur YouTube des occurrences, mais c'est un peu, j'ai rien trouvé. Mais c'est en hommage au percussionniste Carlos Patato Valdés. Cherchez pas, on le trouve pas. J'ai essayé de le trouver. qui le fascinait. Donc c'est un percussionniste, voilà. Il devient le secrétaire artistique de Sylvie Vartan, mais donc bien par la suite, il la connaissait, et il l'accompagne en fait pendant plus de 10 ans. Vous savez de quoi il était diplômé à la base ? Du tout. Mais vraiment diplômé, hein. Il ouais, était... si, c'était pas... Bah peut-être par rapport à sa mère, de psychologie ou un truc comme ça. Non. Il était en masso-kinésithérapie, c'est comme ça que ça s'appelait. Ouais. Et voilà, avec un diplôme en plus, une thèse d'orthopédie spécialisée dans les maladies infantiles et tout ça. Donc en 66, il se découvre une vraie passion pour l'interprétation. Je vous rappelle, Carlos aussi, c'était avec toutes les petits trucs hawaïens, un peu comme... Il y a un chanteur là, c'est Antoine, on était bien dans l'époque. Donc il tient aussi un petit rôle dans la pièce de Marcel Achard, Patate, en 67, donc tu vois bien plus tard. On découvre sa voix sur deux titres de Sylvie Vartan, pas drôle, cette histoire-là, composée par Johnny Hallyday. C'est composé par Johnny Hallyday. Il n'en a pas composé beaucoup, je pense, Johnny. Et le très grand tube 2 minutes 35 de bonheur, suivi l'année suivante par un petit peu beaucoup également sur disque et sur scène avec Sylvie. En 69, j'adore cette année, il enregistre son premier disque 45 tours en solo. La vie est belle, complètement inconnue. Il y a des Indiens partout, complètement inconnus d'eux. En 71, il adapte une chanson brésilienne Festa para o Henry Negro sous le titre de La Bamboula. Alors là, par contre, il commence à parler. Ça devient péjoratif, Bamboula. Mais la Bamboula, c'était la fiesta, quoi. Bamboula. Dans le temps. Mais maintenant, c'est vrai que quand on utilise le terme de Bamboula, c'est. La ribouldingue. Donc, il joue avec dans un film de Michel Audiard, Monsieur Sherlock. Lequel ? Michel Audiard. Le film le plus connu au monde. Dès que je vous dis les tontons flingueurs. Le cri du cormoran le soir au-dessus des joncs. De Michel Audiard. Il a joué dedans. C'est un phénomène, ça. Voilà. Et Sherlock a été collé. Voilà. Donc tout nu et tout bronzé, la cantine. La cantine, c'est son disque d'or. J'aurais cru que c'était Big Bisou. Et son disque d'or, c'est moi j'irai manger à la cantine. Je suis pas étonné. Voilà. Avec mes copains et mes copines. Voilà. Ah, donc toute ta jeunesse. Hein, ça y est, on y sale dans sur la table. C'est parti. Bon, après, à voir, il a, comme dirait l'autre, il a couché avec Mariti et Gilbert Carpentier parce qu'on le voit plus d'une quarantaine de fois. Rappelez-vous qu'on était jeunes, on ne le voyait qu'avec Claude François. C'était une mini entreprise, tout ça, hein, les Carpentier, Claude François, etc. Est-ce que vous savez. Grâce à lui, ça je le savais, j'ai pas besoin de le chercher, d'ailleurs je suis en train de le lire, mais je le savais, avec Sylvie Vartan, un jour, ils vont manger au restaurant pour discuter de la carrière de Carlos et découvre un chanteur qui nous manque, qu'on l'aime ou pas, à tous. Joe Dassin. Non. Ah, chers auditeurs, il découvre un chanteur, un dôme copié-collé, un machin, un Fabrizio Zeva en train de chanter, il se dit, mais lui, il a pas tout compris, et c'est pas c'est péjoratif. C'est un chanteur à voix ou... Bien sûr, voilà, c'est pas péjoratif. Mike Brandt. Absolument. J'allais dire, la façon dont je m'exprime, désolé, c'est pas péjoratif pour Fabrizio Zeva, parce que j'allais revenir sur Mike Brandt, dire, voilà, c'est en fait quelqu'un qui a du talent et tout ça, et qui est pas du tout dans l'ombre, mais qui n'a pas la notoriété qu'il a maintenant, et un jour, Sylvie Vartan lui dit, elle lui dit à moitié en égyptien, ou je sais pas quoi, parce qu'il comprenait rien, et en fait, Mike Brandt, sa particularité, c'est qu'on écrivait tous ses textes en phonétique, il ne connaissait pas le français du tout. Il comprenait pas ça. Le mot chez Brandt. Et le fait, c'est ce qu'il disait, c'est qu'il s'est chanté très bien. C'est pas une connerie. Il y a Onissa, je dis. Il dit un truc, elle se marre déjà. Ouais. C'est pas une connerie, il s'appelait Moshé. Il s'appelait Moshé Brandt. Moshé Brandt. C'est comme moi, Moshé Bichon. Ouais. Comme Moshé Dayan. Ouais. Quand vous voyez sa tête, vous dites Ah, Moshé. Moi, je sais pas. Non, mais c'est vrai que ce qui était assez étonnant, c'est qu'il chantait très bien en français, alors qu'il était capable de s'exprimer correctement en français. Bah, c'est une des plus belles voix. Moi, j'invite tout le monde, si vous aimez Mike Brandt, parce que je suis un passionné de Mike Brandt, non pas pour le personnage forcément, mais j'interprète souvent ses chansons, vous avez une vidéo en noir et blanc sur Google. De Mike Brandt en 1971 qui s'amuse à imiter Paul Naref, à imiter d'autres personnes tout en chantant Summertime en live direct, c'est une tuerie monstrueuse, c'est un phénomène, c'est un ovni. Freddie Mercury s'assoit et l'écoute. voyez ce que je veux dire. Et je crois que c'est d'ailleurs Fred Lumet qui m'a parlé. C'est pour ça que je l'ai regardé. C'est au-dessus de ses albums. C'est quatre octaves de voix. C'est une capacité de. Il imite Jerry Lewis à un moment. Il part avec des suraigus. On est quasiment au contre-hut et il repart avec la voix de Red Charles. Et l'autre, il joue. Attention, il y a un vrai noir américain en train de jouer de l'orgue à monde. Et comment. Georgie. Il prend la voix vraiment. Et après, il monte sur. Love me, mais j'arrive même pas à le prendre, lui il a l'octave. Please love me, je suis fou. Et l'autre il se marre, et à un moment il fait ouh, et il monte à l'octave. C'est une tuerie. Ah ouais. Donc voilà, n'hésitez pas. En revenant à Carlos, pour terminer rapidement, parce que là je vous lis, je suis sur toute son actualité, je la lis en diagonale. Il fait surtout une série de concerts à l'Olympia en 1972, qui était un pari risqué par rapport à Claude François, qui lui disait fais gaffe, c'est pas le but, c'est critiqué par le métier. Il y a que Brel, Beko, qui font l'Olympia et tout ça. Mmh. Et en fait, il n'avait fait aucun album, aucun disque-album, excepté quelques 45 tours. Et en fait, il cartonne. L'expérience ne sera pas négative. Il remplit l'Olympia en 1972. Mais il comprendra que, bon, assez rapidement, tu ne peux pas le faire une dizaine de fois dans ta vie si tu ne t'appelles pas Johnny Hallyday. Voilà, c'est ça. Hein, donc, il pleure énormément Bobby Lapointe, qui était un de ses meilleurs amis en 1972. Hein. Bobby Lapointe, donc un chanteur fantaisiste. Et puis dans les années 80, hein, il sera affecté par le décès de son ami Joe Dassin, et ça va tourner un tournant dans sa carrière où là il a décidé d'arrêter un peu tout ça. Il se rapproche de Coluche et de ce milieu-là pour entrer dans les Restos du Cœur. Et après, voilà. La seule chose, en 1988, Carlos devient l'emblème du parc d'attractions Mirapolis, ouvert à Court Dimanche. Je ne sais pas si ça vous parle. Non, j'ai pas. À côté de Pontoise, dans le Val d'Oise. Non, ça me dit rien du tout. Il y sera présent toutes les fins de semaine, mais le parc fait faillite en moins de 5 ans. Oh, donc, voilà. J'ai même pas connu. Non plus, j'ai même pas entendu parler. Allez, pour terminer, la boisson fruitée. Ah oui. Que Carlos. Ah oui. Alors. Mais il. Elle se vend encore. Ah, elle se vend encore. Ah bah oui, elle se vend encore. Qui était un remake de la chanson Rosalie, c'était. C'est ça, Oasis. Oasis. Hein, voilà. Oasis, donc, Oasis, c'est bon. Absolument. Et pour terminer, vraiment sa carrière, on l'a vu en 89, il anime le magazine de découverte Sirocco sur la saison estivale sur TF1, disparaît des radars pendant 2 ans et se retrouve. Allez, vous l'avez vu, non plus comme chanteur, non plus comme tout ça. Il a terminé sa carrière là et il l'a fait très très bien parce qu'on a trouvé un Carlos qui était vraiment à sa place. Oh, aux grosses têtes. Ah bien sûr, voilà. Ah oui, oui. Et il a été très bon. Avec toute l'équipe, avec ma voilà. Ça avait même pour le coup, ouais, il avait vraiment une grosse tête. Quoi. C'était. C'était l'époque avec ma biche, Jean-Yann. Non mais il y avait une culture, lui, hein, sans genre. Moins de rien. Il faisait le fanfaron. Ah oui. Non mais il avait une culture, etc. Et voilà. Derrière le personnage. Mais il y a eu un dessin animé également qui a été fait où lui chantait. Alors c'était T'as le bonjour d'Albert. Ça faisait Tal, bonjour d'Albert. Après, je me souviens plus des paroles, mais c'était excellent. C'était, alors, à mon avis, le personnage était tiré un peu de Carlos. C'était les aventures de Carlos. Alors il y a eu les aventures de Carlos, mais lui chantait également le générique d'un dessin animé qui s'appelait Tal Bonjour d'Albert, où le personnage était un noir américain qui était assez costaud, et pour le coup, il ressemblait un peu à Carlos quand même. Hein. Ouais. Et vous voyez, ce qui est rigolo, c'est que ce que tu dis, en fait, ça s'est passé en 92. Il y a Haïm Sabam, un américain connu, qui, grâce à Mike Brandt, a créé entre autres les Power Rangers, qui contacte Carlos depuis Los Angeles afin de créer un nouveau dessin animé, et Carlos serait lui-même le héros. Donc en fait, c'est incroyable le faisceau de connaissances, comme quoi la vie, faut connaître des gens, faut bouger avec les gens, faut les écouter. Même sa bande, c'est le gars, c'est un super puissant quoi là-bas. Ah oui, non, mais tout à fait. C'est lui qui a créé les Power Rangers, et ouais, effectivement, ça dure depuis des années et des années quoi. Les Power Rangers, ça doit bien faire 15 ans qu'ils existent. Ah oui, non, mais tout à fait. Ouais, même plus, j'aurais dit moi. Donc, voilà. Et il est mort juste un mois, jour pour jour, après Carlos Patato Valdés, le nom dont il a pris le. Absolument. Le 17 janvier 2008 à 9h45, et il était malade en fait d'un cancer du foie foudroyant. Il était malade depuis 3 ans, et il a été foudroyé en une journée. Voilà, à l'âge de 64 ans, à Clichy. Enfin voilà, ça c'est un peu moyen, mais je l'ai croisé une fois à Lille, Carlos. Il était aux Folies de Paris. Ah oui, il était en train de regarder le spectacle. Absolument, les Folies de Paris. Ouais, qui me manque beaucoup parce que j'ai eu l'occasion d'y aller une dizaine de fois, d'y chanter une fois avec la troupe Évasion Spectacle. Vraiment. J'ai plus son nom au gars. Claude Thomas, bien sûr. Non, mais Claude Thomas, il a refait. Oui, mais tu as raison. Oui, il a remonté. Il a remonté, là, il recommence. il est rentré et il recommence ses spectacles. Je sais qu'il a remonté, je sais plus. Alors, je sais pas plus quoi. Au niveau des Folies de Paris, parce que maintenant c'est. Non, c'est plus les Folies de Paris. C'est Thierry Ferry qui tient ça maintenant. Mais si, il recrée une troupe, je pense, parce qu'ils ont fait des spectacles il n'y a pas longtemps. Oui, c'est remonté, mais je crois qu'elle s'exporte. Pardon ? Elle s'exporte. En un mot ? Oh mon Dieu ! Dieu. Ça y est, elle a une heure pour s'en remettre. À ce niveau-là, on dit my God. Oh my God. Oh my God. Bon, where is my God? Mais où est mon God? Fucking hell. Allez, sur ce, on va peut-être faire une petite pause. Ouais, parce que le temps. On va laisser Onissa changer sa couche Libra. Parce qu'elle nous fait quelques fuites, là. Alors, je vais enchaîner forcément avec une petite pause musicale. Alors, avec un titre qui a été fait dans les années 80, qui n'a pas été sorti dans les années 80, qui est sorti peut-être 2 ans par le groupe Queen, mais là c'est la version d'origine. Il y a 2 ans par le groupe Queen. Ouais. Alors je t'écoute, ouais, je comprends rien à ce que tu m'entends. Michael Jackson et Freddie Mercury. Ah oui. Qui chantent There Must Be More Than Life Than This. J'en ai entendu parler. Et alors là, c'est pas la version de Queen parce que je l'ai écoutée et je la trouve beaucoup trop rock et je trouve qu'on perd un peu l'essence de la chanson. Donc là, c'est la version initiale qu'ils avaient faite. Donc c'est Freddie Mercury qui avait écrit la chanson. Et malheureusement, bon, ils n'avaient pas pu sortir la chanson à temps. Et ensuite, on va s'écouter Living in a Box avec Living in a Box. Voilà. Je me suis dit, après le long titre de Michael Jackson et Freddie Mercury, je vais prendre un truc simple. Donc voilà. Donc, There Must Be More Than Life Than This. Yes. Et ensuite, Living in a Box. Living in the Box. Allez, c'est parti. Mending all those broken hearts and tending to those crying faces. There must be more to life than living. A better way for us to survive. Why should it be just a case of black or white? There must be more to life than this. Why is this world so full of hate? People dying everywhere, and we destroy what we create. People fighting for their human rights, but we just can't see. Sadly, so this is life. There must be more life than killing. There must be more than these days. amené une in the box. Je vous dis ça oui, avec une super tarte dans la bouche. Une tarte à la francipienne, ouais, les enfants. C'est pas une tarte dans la gueule, c'est une tarte. C'est ça. Voilà. Voilà, pour tous ceux qui nous écoutent et que vous savez très bien qu'on n'a pas le droit de bouffer à un studio. Oh putain, elle est bonne. C'est ma faute, voilà. J'avoue. Il y a Onissa qui nous a ramené une tarte des rois. Pour une fois, ils ont pu tirer quelque chose. Notre avec la galette des rois. Oui. Bravo. Bravo. Et c'est Charlotte qui a eu la fève, mais oui, je crois que c'est pas la fève, c'est un boulon. Hein. Non, non. C'est ça, ouais. C'est le seul, un boulon qui est tombé dedans. C'est le seul qui a le droit de la sucer. Donc, voilà. Non, on vient de manger une très très bonne tarte des rois à la Franchipane. C'est vrai que vous avez fait les rois récemment aussi. Hein. Tu as fait, moi j'ai une tarte Star Wars. J'ai su ces Dark Vador. Ah ouais, j'ai eu. Ouais, j'ai eu. J'ai eu. Et toi, t'as su c'est quoi, Sherlock? Bah, c'est pas moi qui ai eu la fève. Bah, si, tu viens de l'avoir. Enfin, là, ouais, là, bah, là, je viens de sucer plus tôt. C'est con. Eh, vaut mieux plus tard. Ouais. Bon, vous êtes toujours dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM. Vous avez compris l'ambiance. Nous étions en pleine forme. Et nous allons enchaîner. Enchant My Heart avec Rétro Cynique avec ça. Nom de Zeus. Nom de Zeus, les amis. Mais non, c'est nom de Zeus. Et au fait, dans la DeLorean. Au fait, excuse-moi, tout le monde, tu as commencé à acheter le premier fascicule? Non, non, pas du tout. Non, non, parce que c'est en je sais plus combien d'exemplaires. Bah oui. C'est 120 exemplaires, donc c'est pas la peine. Ah oui, c'est pas mal. C'est surtout que le premier exemplaire doit être à 3 euros, mais ensuite, ouais, quand tu regardes, ça monte vite à 10-12 euros par exemplaire. Donc, ah, ça. Tu te retrouves avec une DeLorean à 1200 boules, tu te dis que là ça fait mal quand même, je remontais dans le mal temps. Au cul. Ouais. Si je revends les 60, tu peux acheter la vraie. Ouais. Qui me plaît pas du tout, en attendant c'est mythique, mais ah ouais, non, j'aurais mais pas envie d'avoir cette voiture. Et vous savez que c'est une voiture américaine, hein, c'est DeLorean, oui. AMC. Et en fait, c'est un moteur français, c'était le moteur qui était mis dans les Peugeot 604 et Renault 30 de l'époque, le V6. Ah oui, PRV, Peugeot Renault Volvo, oui. Un V6 ? Un V6. Sur les Renault 30 ? Ah oui, les Renault 30, oui. C'était le moteur PRV, c'était le groupe Peugeot, Renault, Volvo à l'époque. Mon père, il y avait une Renault 20. Ah oui, oui. Et là, La Renault 30, c'était exactement la même bagnole, mais pas avec le même moteur. C'était pas la même calandre, c'était 4 phares, il y avait des vitres chromées. Ouais. Hein, et le V6 dedans. Et la marque DeLorean a été rachetée récemment avec les restes de stock. Ils vont réassembler quelques DeLorean. Ah, mais j'ai eu une R20, moi, mais avec c'était double carburateur. On l'appelait la suceuse masquée. Tu démarrais, mais c'est vraiment. Ouais, ouais, t'entendais. Non, non, t'entendais. Écoute bien. Tu démarrais, t'entendais. C'était un 2 litres. Il vient les montager. Hein. Ah, ouais, dès qu'il suffit de faire un moteur qui s'aspire, ça se passe bien. Ça se passe bien. Il était costaud. Il était costaud. Voilà. Le mec est derrière toi aussi. Attends, comment tu lui parles parce qu'il est costaud. Allez, vas-y. Je Donc, t'en prie. Oui. Là, on repart en 1987 pour ce film. Et plus précisément, le 8 avril 1987. Un mercredi. Alors, c'était un mercredi, effectivement, Onissa. Il y en a une qui suit. C'est la seule réponse que j'ai donnée. Non, voilà. Bon. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Bon, le film est de Menahem Golan. Menahem Golan. D'accord. Alors, là, je suis sûr que Harry l'aurait déjà trouvé. Menahem Golan, ça me dit quelque chose. Ouais. Mais moi, Golan. Alors, Menahem Golan, pour info, c'est celui qui a fait, par exemple, le film Tous les coups sont permis, Bloodsport, avec Jean-Claude Van Damme. Oui, oui, mais c'est peut-être pour ça que ça me parle, parce que je suis branché arts martiaux. Parce que c'est la Golan Canon Group, tu vois. Ah, Canon, d'accord. Tu m'étonnes. Ah, tu vois. Il est dans mon groupe. Et oui. Et donc, la musique est de Giorgio Moroder. Ah, Giorgio Moroder. Donna Summer. Alors, je vais vous donner la première musique qui n'est pas de Giorgio Moroder, d'ailleurs. Parce que j'ai pas pris les musiques de fond du film, j'ai pris des chansons. La Vas-y. Première, c'est Sammy Hagar, qui chante The Winner Takes It All. The Winner Takes It All. Ouais, alors rien à voir avec... Ah ouais, d'accord. Ah, Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Ça vous donne peut-être l'ambiance du film, ouais, le style de musique. Bah, tu me fais penser à Bloodsport, où justement, c'est ce qu'on a. Bah, c'est vrai que ça ressemble un petit peu dans le style du film. Alors, je vais vous passer un extrait, ce coup-ci, c'est un extrait de dialogue du film. Écoutez bien, ça va peut-être vous aider un petit peu plus. J'ai un poulain, là, qui pourrait battre n'importe lequel de vous trois en deux manches et la belle. Non, il plaisante, excusez-le, allez, on y va. Est-ce que j'ai une tête à plaisanter? Tiens, j'ai tellement confiance que je vais même mettre du pognon sur lui. Si j'arrivais pas à te battre, toi, je crois que je me flinguerais. 10 contre 1, d'accord? Toi, tu mets un dollar, moi, j'en ai 10. Je marche, d'accord. 10 contre 1, je suis d'accord. Bon, deux manches et la belle, s'il y a lieu. On y est, les hommes. Concentre-toi, Mike, tu l'auras. Donnez le signal. Tu es prêt, Mauviette? Ah, il a une main de vie. Peut-être que c'en est une. Faire le vide. Et surtout, ne l'écoute. Allez, vas-y, bousille-le. Allez, tu vas leur montrer, hein. Tu vas l'écraser, Mike. Tu verras, c'est rien. Alors. C'est pas un routier avec son fils? Ah oui. Oh, oui. Yes. Moi, j'ai immense, c'est un routier. Oui, c'est ça. Moi, j'ai un routier avec son fils. J'ai pensé à ça, et je suis sûr de ça, c'est simplement, c'est, tu fais le vide. Ouais. Ah bah ça, c'est tout le film tourne autour de ça, j'aurais une casquette, je la retournerais tellement c'est ça, je suis fier. Ouais, exact. Exact. Super. Ah si, ouais, pas d'accord. Ouais. Flip 4, je vois par contre que toi, t'es encore en train de pêcher. C'est vrai. Bah déjà, la voix d'Adrienne qui parle. Écoute, si justement, j'allais dire, mais je pense que... C'est Nicolas Sarkozy quand il en avait une peine. Non, mais la voix, elle me faisait penser à ça tout à l'heure, la doublure de Rambo. La doublure de Rambo. Au niveau ouais, de la c'est voix. Sylvester Stallone. Ouais, je suis Sylvester Stallone. Salut, je suis oui, effectivement, il joue si, dedans. Ouais, c'est lui l'acteur principal. Ouais, donc il y a Sylvester Stallone, il y a Robert Loggia. La doublure de... Ouais, la doublure de Rambo. Salut, je suis pas l'anorak, je suis la doublure. Donc il y a Sylvester Stallone, Robert Loggia, Susan Blakely, Rim Zumwalt, David Mendenhall. Alors, les autres sont pas très connus, à part Stallone, franchement. Je peux même raconter le pitch du film. Eh bah, ben, attends, parce que là, je vais vous passer une petite chanson. Et oh, c'est... J'y crois pas, j'ai trouvé tout de suite. Et c'est Kenny Loggins. Alors, celui qui chantait Footloose, vous connaissez? Oui. Eh ben, là, pour le coup, il chante Meet Me Halfway. In a lifetime made of memories, I believe in destiny. Every moment returns again in time. When I've got the future Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose? Bah forcément oui, vu que vous avez trouvé. Ah ouais, par contre, dans les acteurs, il n'y a pas Hulk Hogan à un moment? Non. Il apparaît pas dans le... Non, j'ai regardé, il y a... Ah, c'est qui le fou? Alors, il y a un gars qui ressemble à celui qui joue dans Bloodsport, justement. Oui. L'américain, le catcher, le... Ouais. Bah, oui, il rejoue dans un film après lui, c'est pas Predator ou... Peut-être, mais alors, mais il joue pas dans celui-là. D'accord, mais je crois il rejoue avec un Stallone parce que c'est un sacré molosse. Ouais. Il a un bras, il a la main cuisse. Ouais. C'est un chouette film, c'est une belle. Ouais, alors c'est vrai que dans les années 80 ça passait très bien. Là, je me suis un peu ennuyé devant quand même. Ouais. Faut dire que. Il est beau comme un camion, mais. Il y a un peu vieilli quand même. Beau camion. Alors. Disons que c'est pas mal. Je trouve, excuse-moi, je sais très bien de quoi on parle. C'est la seule fois qu'on fait un film qui est vraiment pas mal au niveau de ces championnats de ce sport-là. Oui. Et en fait, c'est vrai que le Bibi Baba Bobo, on peut dire le père et de son fils, à un moment, hein, c'est pas à trahir le film, voilà. Ça aurait pu être beaucoup plus puissant. Ouais, c'est vrai que ils l'ont un peu survolé. Oui, ils l'ont survolé, c'est dommage parce que ça aurait donné plus de corps au dernier combat. Adrien. Eh ben juste avant le dernier combat, ouais, il y a ça justement. Il gagne le plus beau des combats. Ouais, alors ouais, écoutez bien, c'est celui-ci. J'en reviens pas. Alors quand tu me disais, il faut jamais abandonner, c'était du boniment, t'y croyais pas toi-même. Mais non, dis pas ça. Et tu te rappelles ce que tu m'as dit? Maintenant, tu dois te battre pour gagner, parce que le monde, il te fera pas de cadeau. Si tu veux la médaille, il faut la mériter. Mais oui, mais... Je croyais que tu disais ça pour moi, mais en fait, tu parlais de toi-même, c'est ça. Non, je t'en prie, arrête. Mais papa, c'est ta chance, là, tu vois pas? Ce qui s'est passé avant, je m'en fiche. Alors t'as pas du tout besoin de prouver que t'es un bon père. Ça m'est égal que tu gagnes ou que tu perdes. Ça compte pas pour moi. Tout ce qui compte seulement, c'est de pouvoir vivre avec toi. Je t'aime, tu sais. Oh, moi aussi, je t'aime. On va essayer, hein? Le gros bras, c'est toi. Merci, mais t'es pas mal non plus. Rassure-moi, c'est toi qui fais le montage. Ouais, ouais. Ah ouais, j'allais dire, parce que si c'était à la radio comme ça, j'ai deux claques au gosse. J'ai coupé pour dire de tenir. Ça dure beaucoup plus longtemps. Ouais, il y en a pour 1 minute 20 à peu près de dialogue. J'ai coupé pour que ça tienne en 30 secondes. Donc forcément. Alors si vous cherchez le titre du film, il a dit un truc à un moment, c'est le gros bras, c'est toi. Donc ouais. Ça devrait vous aider. Toujours pas Flip 4 ? Si, alors si. Maintenant, le pire, c'est que le film, je vois très bien ce que c'est, mais alors le titre... Mais qu'est-ce qui se passe alors dans ce film ? Parce qu'il parlait d'un championnat, mais c'est un championnat de... Catch ? Non, pas du tout. De bras de fer. Un championnat de bras de fer. C'est vague, je me souviens vraiment du film. Et donc, le titre français, c'est Le Bras de Fer. Ouais, ouais. Et le titre américain, mais qu'on a repris également France par la suite, c'est Over the Top. Et le vrai championnat, c'est Iron Side Fight. C'est les championnats. Et alors, pourquoi Over the Top? Parce que le top, en fait, c'est le milieu, en fait, quand on fait le bras de fer. Quand on se fait avoir, on va bientôt perdre. Et il faut repasser le top pour pouvoir battre l'autre. D'accord. Donc voilà pourquoi Over the Top, voilà de où ça vient. Et donc le générique de ce film, c'était celui-ci. C'était Larry Green avec Take It Higher. Alors, il faut savoir quand même que le film a fait 2 102 147 entrées au box-office français, ce qui est quand même pas mal pour un film comme ça. Ouais, c'est bizarre après Stallone. Ouais, il a rapporté 76 millions de dollars pour 25 000 investis. 25 millions de dollars. Ah oui. Et il a reçu deux prix, donc deux ASCAP Awards, donc de la meilleure BO, et Young Artist Award du meilleur film dramatique familial. Ouf, ouais, donc il devait pas en avoir beaucoup quand même ce jour-là. Ouais. Par contre, moi j'ai essayé de faire, c'était à, je vous assure, au 525e régiment du train à Arras, j'ai fait un bras de fer avec un mec qui en avait quand même dans les bras, j'en avais à l'époque, et c'est la prise du pouce. Oui. Et on s'était à un moment, on a rigolé avec ça. Et c'est vrai qu'en fait, si vous êtes en train de plier et qu'à un moment t'arrives à prendre en fait le pouce, tu travailles plus du tout la même façon avec le bras quand tu le ramènes. Et en fait, c'est une prise qui est terrible parce que une fois que tu l'as enserré, le mec il peut plus redresser et tu lui plies le poignet. Et une fois que c'est plié, c'est terminé. C'est ça. Donc oui, l'histoire, c'est l'histoire de Lincoln Hawk, qui est routier et champion de bras de fer. Son ex-femme Christina Cutler Hawk est mourante et elle lui demande de s'occuper de son fils Michael, qu'il n'a pas vu depuis 10 ans. Son fils, dont l'enfance a été marquée par une éducation stricte et bourgeoise, transmise par son grand-père. Donc lui, il va aller le chercher à l'académie... l'académie militaire, ça va pas bien se passer du tout au début. Surtout que son grand-père n'y met pas du sien non plus. Donc ça va être un peu compliqué. Lui veut participer au concours international de bras de fer pour gagner un camion et 100 000 dollars pour pouvoir après vivre avec son fils. Et je vous laisse regarder le film. Je vous mettrai un lien dès demain pour pouvoir voir par vous-même. Mais il rencontre quelques petites embûches. Alors, il faut savoir que Over the Top fut un échec commercial aux États-Unis avec seulement 16 millions de dollars de recettes, mais fut largement rentable avec 60 057 580 dollars de recettes dans le monde entier. Ouais. Donc, il s'est rattrapé après avec notamment la France, enfin France, Europe, en gros quoi. Mais aux États-Unis, ça a été un flop. Quoi. Bah, comme quoi, Donald Trump, faudrait lui rappeler que Over the Top, c'est nous qui l'avons sauvé. Oui, quand même. La casquette que porte Stallone dans le film a été signée par lui-même et Sammy Hagar, qui interprète le titre The Winner Takes It All, et à l'époque membre de Van Halen. Sammy Hagar était membre de Van Halen. Ouais. Et a été vendu aux enchères 10 000 $ pour une œuvre de charité. Ah. Bien. 10 000 $ une casquette. Ouais. Ouais, mais tiens. Alors, David Mendenhall a gagné 2 Razzies lors de l'édition de 88. Alors, c'est le garçon. Le petit, ouais. Ouais, il a gagné 2 Razzies. Donc, lui, franchement, celui de la pire révélation et celui du pire second rôle masculin. Oh, du. C'est Eric et Ramsey. Donc, les Razzies, c'est comme les Gérards. Hein, par ici. Ah, oui, d'accord, les Gérards. Tu gagnes un parpaing, là-bas, c'est vrai, un peu merdique. C'est vrai que le gamin, c'est une bille. Hein. Ouais, bah c'est vrai qu'il joue pas top. Hein. Et comme Stallone n'a jamais été très bon non plus à l'époque, voilà. Il est mieux maintenant, un peu plus profond. Et dans une interview, Stallone a dit du film « Je l'aurais rendu moins brillant et le placerais plus dans un environnement urbain. Ensuite, je n'aurais pas utilisé un flot interminable de chansons rock, mais j'aurais mis de la musique à la place et probablement j'aurais fait l'événement à Las Vegas plus sinistre, pas si carnaval-like. » Ah, ouais. Parce que c'est une bonne approche. Ouais. Moi, alors, j'aurais préféré Stallone, le underground, tu sais. Voilà, comme, c'est ça. Mais lui, ouais. Lui, en fait, serait plus parti là-dedans. Mais c'était Menahem Golan qui était aux manettes. Et lui, il veut un peu du bling-bling. J'aimerais bien revoir Je te coupe, pardon. Vous savez, les films qu'on fait actuellement, très, très glauques, très, très noirs, très, très virils, très réalistes de la violence. Là, on voit les trucs dans les mafias russes et tout ça. Mais je parle quand... Un film comme ça, sur style Over the Top, avec un gars qui fait un peu ses combats de rue, tu sais, mais en simplement bras de fer, mais avec évidemment... ça, c'est un film qui mériterait d'être refait, parce que c'est un univers vachement particulier. Hein. Mm-hmm. Et t'as des mecs qui sont fins comme des roseaux, ils se tapent des gars qui ont 4 fois leurs bras, et ils sont en amphétamine ou tout ce que tu veux, c'est quelque chose de terrible. Gabriel. Mais j'ai bien aimé le film, mais j'ai trouvé quelques lenteurs, et ouais, c'est vrai que j'ai pas trouvé super bien joué, mais le film en lui-même est bien. Je trouve que parler de ce sport-là, c'est... On n'en parle pas beaucoup. Je crois qu'on n'en a jamais parlé à part dans ce film, d'ailleurs. Non, mais, non, non, je pense pas. Mais voilà, quoi, j'ai trouvé le film intéressant, quand même. Bon. Donc je vous conseille de le regarder, quand même. À partir de demain, vous pourrez vous en faire une opinion par vous-même à partir de la page 80 à l'heure et de la page Sherlock. Voilà. Moi, je l'aime bien parce qu'en plus, j'ai trouvé. En plus, oui, c'est vrai. Bah, merci beaucoup. J'en avais un souvenir vraiment très, très vague. C'est pour ça que je ne me souvenais même plus de quelle discipline s'agissant. En fait. Ah non, moi, rien que le premier dialogue, pouf. Je pense que c'est ça. Il y a des films des années 80, il faut les revoir vraiment. Ah, ouais. Moi, je me suis reposé devant un flic de Beverly Hills et je me suis dit, il faut vraiment se remettre dans l'esprit des années 80, leur pardonner et se remettre dans le plaisir, parce que c'est vrai que ça a quand même vieilli. Un Police Academy, maintenant tu le revois. Ah, c'est clair, l'humour, c'est quand même... Quand on sait qu'il y en a eu 7 en plus. Ouais. C'est quand même compliqué. Hein. Je les ai tous vus, mais c'est vrai que... Quand tu vois le premier Robocop, tu te dis... c'est quand même compliqué. Pas mais voilà. Comment ça s'appelait, là, les 3 films que tu avais mis... La Folle Histoire de l'Espace. Non. C'est assez délirant aussi. Avec un canard. Oh zut, je reviendrai sur le nom, bon sang. Non, ça c'était Howard. Howard le canard, c'est pas pareil. Les Porkies, voilà. Ah oui, les Porkies, ouais, d'accord. Et puis tu avais mis la trilogie, c'est vrai que quand on regarde les trucs, c'est là qu'on se dit, ouais, ça vieillit, quoi. Mais ouais, c'est vrai. Ça nous a fait rire à l'époque, mais maintenant ça devient difficile. Bah, on était... Bah, c'est vrai que, ouais, c'était l'humour de l'époque et je pense que l'humour évolue, hein, comme nous. Ouais, j'ai jamais compris ça. Vous n'avez pas compris pourquoi je dis ça. J'ai jamais compris. C'est une question que je me pose depuis. Ça n'a rien à voir avec l'âge ou la maturité. Je comprends pas pourquoi l'humour évolue. Parce que les mœurs évoluent. Tu peux pas. Prends Coluche. L'humour corrosif qu'il avait à l'époque, tu le remets comme maintenant, il se fait lapider. J'allais dire, il y a des choses qui passeraient plus. Ouais, mais oui. C'était vachement osé. Je parle de l'esprit de l'humour qui fait, comme tout à l'heure, on était en train de rire dans le plateau parce qu'on fait un truc le plus potache qui possible et imaginable. Dès qu'on parle de sexe ou de trucs rigolos ou tu fais des contrepétries ou des machins, tu te marres. Et c'est vrai que quand tu vois De Funès où je pouvais être plié de rire, mais mes parents aussi, donc ils étaient pas immatures. Moi, j'étais gamin. Quand tu vois Les Inconnus, c'est toujours rigolo, mais ça vieillit. Et c'est pas une question de tenue. Je ne comprends pas pourquoi l'humour évolue. Les générations, je veux bien, mais il y a des trucs quand même qui sont intemporels. Je revois, par exemple, le sketch de Bigard quand il faisait la chauve-souris. Ah oui. Oui, ça c'est intemporel par contre. Bah oui. Non, pourtant il disait aussi sur le nombre. Non, je dis ça parce que c'était justement. Non, mais c'est étonnant. Excusez-moi, ah ouais, je vous raconte. Il disait justement, c'est le genre de truc qu'ils avaient essayé de remettre et tout ça et qui plaisait pas du tout aux gens maintenant. Dire ouais, bon, d'accord, sa chauve-souris, en train de faire des trucs, il a l'air ridicule. Je crois que simplement, c'est qu'un jour tu fais un sketch qui fonctionne. T'es bankable, les gens accrochent le personnage. Gad Elmaleh qui a fait un carton a disparu des radars parce qu'il ne peut plus avoir cet humour-là, tout simplement parce que tu peux correspondre à un humour et un personnage à un moment, et à un moment tu ne peux plus. Enfin, mais moi, regarde, c'est pour ça que Gad il s'est remis avec Kev Adams. Ouais, mais je pense que se remettre dans, c'est comme il y en a un, Palmade qui s'est mis avec La Roque. Ils avaient réussi à faire quelque chose, à remonter ça parce qu'ils s'envoyaient la balle ou les boules, eux, je crois. Mais puis lui, il avait trempé dans des histoires de drogue. Il fallait qu'il se remette une virginité, quoi. Mais donc voilà, j'ai encore cassé un artiste. Un qui a plutôt bien réussi son comeback et qui s'est refait au niveau de son humour, c'était Roland McDan. Oui, et j'ai revu un sketch il n'y a pas longtemps, mais c'est un vieux sketch où il parle de son pépé. Oui, Il dit pépé. Enfin, je sais plus, mais il sort plein de vannes sur son grand-père. Alors moi, j'étais mort de rire parce que je vois ça me rappelle le sketch que je connaissais déjà. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs. Il parle de limite de téléphone à cadran. Les gosses de maintenant qui voient ça, ils se disent c'est quoi un téléphone à cadran? Ouais, qu'est-ce qu'ils racontent, quoi? Ah oui, ça c'est c'est le problème aussi. Ouais, aussi, c'est comme tu reprends des vieilles séries de Julie Lescaut maintenant. Oui. Tu vois la Safrane arriver avec les téléphones à clapper et l'antenne qui se déchire. Ouais, c'est vrai. C'est assez impressionnant, quoi. C'est vrai que le monde a évolué. Je vois bien ma mère regarde une émission le samedi sur la 3. C'est toujours les mêmes comiques qui passent. Et alors, il y a le sempiternel Fernand Reynaud. C'est ultra périmé. Ouais, c'est pour ça, je trouvais. Et pourtant, quand tu l'écoutes, je pense qu'il y a un faciès qui va avec un style. Je pense aussi qu'à un moment, tu dois parler des Arabes, tu dois parler des homosexuels, tu dois parler de Charlie, tu dois parler de l'événement de l'actualité. Et dès que tu débordes un petit peu de ça, Tim Seat, moi, pareil, je trouvais un caustique, comme c'est pas possible. J'ai eu l'occasion de le revoir il y a 6 mois à Paris, avant les événements, tout ce qui s'était passé. Et c'est vrai que c'est plus ce que j'ai pu connaître 15 ans avant. Lui a valu des ennuis, son sketch sur les Mongols. Tout ça, Oui, mais bon. Exactement. Le pire, c'est comment il joue avec son public à l'intérieur, quoi. Les mecs, ils se levaient, tout ça, ils les apostrophaient en plein milieu. Moi, que je suis pas timide, j'étais gêné pour eux. Il les tue. C'est un phénomène de foire, Tim Seat. Mais il vieillit. On est tous pareils. C'est ça. Ah, on dit ça. Bon, ça va. Bon, je vous propose c'est de faire une circoncision musicale à nouveau par notre El Maestro. Oui, et avec Lionel Richie et Dancing on the Ceiling. Et après un peu plus ancien quand même avec même plus récent parce que Dancing on the Ceiling c'est de 86 quand même. Oui. Et ensuite Kylie Minogue avec The Locomotion. Est-ce que vous vous souvenez? Ça date de 88. Ah, je sais pas si c'est dans The Locomotion. Ça, c'est OMD. Orchestre Manager. Non, là, c'est The Locomotion with me. Ah, je n'aimais pas, c'est un truc de gonzesse. The Locomotion with me. Eh ben, on va s'écouter ça. Je vais te la montrer, ma locomotive. Allez, c'est parti. Yeah. like a Martian. Et oui, bienvenue sur RQC 95 FM, on est encore là. Dans l'émission 80 à l'heure. Dans l'émission 80 à l'heure. Merci Cameron. Non, mais c'est un peu notre émission quoi. C'était pour ouais, c'est vrai. Donc vous êtes toujours sur RQC 95 FM dans l'émission 80 à l'heure. Voilà. Et on est bien. Ah ouais. On est bien. On a mangé de la tarte, la franchipane, c'est bu un verre. La franchipane. La franchipane une fois, hein. Sarti. Pourquoi qu'est-ce que je dis? Bah, t'as dit la franchipane. Bah de la franchipane. C'est frangie. Bah y'a. Ça, il nous l'a fait là, oui, ça. Elle était bonne la franchipane. Il n'y a personne qui a eu la fève encore. Si, si, Charlotte, il a dit. Non, si, moi, je suçais plutôt. Ah oui, t'as, ouais, c'était plutôt. Ouais. Alors que t'as dû le faire plus tard, comme il avait dit, ouais. J'ai suçé plutôt. Ouais, t'as bien sucé Dark Vador, toi. C'est vrai. Ouais, mais je suis pas son père. Non, on ne suce pas son plutôt, père. Plutôt, si. C'est le père. Regarde les cheveux de Sherlock. Plutôt, c'est son père. Il a une petite queue aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que tu nous racontes, Flipcat? Rien pour te faire chier. Rien pour me faire chier, non. Mais écoute, rien à venir dans l'immédiat qui me vient à l'esprit. Donc on rappellera tout à l'heure encore le. Pour les gens qui s'intéressent, ouais, pour donc oui, pour le petit Hugo. Mais t'as pas d'événement rockable autrement dans le coin qui tourne en ce moment? Non, mais de la cul. Si. Ouais, je te tends la perche. J'ai pas vu du Rock'n'Grange. Alors, Rock'n'Grange, c'était samedi à Lens, au Café des Pirates. C'est bien ce qui me semblait, j'ai vu du Rock'n'Grange. Oui. Le prochain, c'est à Neulémine. Alors, l'endroit, j'y suis jamais allé, celui-là. Je le mettrai, je relayerai l'événement. Si, vendredi, il y a les Hoodoo Tones qui passent à l'Islanois. Les Hoodoo Tones, c'est un groupe de potes qui se brouillent très très bien. C'est vendredi, donc alors à mon avis sur les Sennois, il ne doit pas avoir 36 salles, mais ça aussi, s'il faut, je balance. Sur les Sennois. Sur les Sennois, oui. Grosse salle. Ou je connais que deux salles sur les Sennois. À mon avis, c'est soit la salle Henri Juin ou alors. Il y a près du là où il y avait le restaurant l'Eden, là le cinéma en face. Ouais, le théâtre de l'Eden. Ouais, je pense. Ça serait plutôt là. Je pense que c'est en général. Être là. C'est un peu, c'est underground ou enfin c'est pas un groupe. Ils se produisent comme ça quoi. Oui, tout à fait. Oh, oui. Ça serait bien là, ouais. Oui. En face du restaurant. Ouais, j'ai plus. Ça s'appelle le bœuf au plat maintenant. Oui. D'accord, tu l'as. Ouais, ça s'appelle non, le bœuf au plat. C'est ça. Et comment tu faisais ça, toi? Bah, parce que je passe souvent. Ah oui, d'accord. tu nous sors ça. Au moment où tu le dis, j'ai bah, ouais, c'est ça, ouais, c'est le bœuf au plat. Ça s'appelle le bœuf au plat. Absolument. Mais non, c'était un bistrot canadien, je crois. Oui. Oui, qui fait à l'époque, il faisait du sirop d'érable et tout ça. J'ai eu l'occasion de manger avec Harry. On avait fait un spectacle avec la Trouve et l'Évasion. On avait mangé un truc qui est vraiment spécial. Du truc de caribou, ou je sais pas quoi, au sirop d'érable. Et ça a le goût de. Bah, de caribou au sirop d'érable, c'est pas terrible. Ah oui, c'est pas bon le caribou. Et il y a un autre truc, pendant que j'y pense, puisque tu me demandes, ça fait peut-être un peu court, c'est 11 semaines. Il y a maintenant, je pense que ça va avoir lieu pratiquement tous les mercredis, si je dis pas de bêtises, enfin au moins un mercredi par mois, au Tomis donc de Noël Godot, hein, près du Auchan, du Drive de Noël Godot. Donc, au Tomis, c'est organisé par une association qui s'appelle Rock à Douai. Et là, on peut apprendre à danser du rock un peu plus proche du rock acrobatique. Le enfin, Tommy, c'est quoi? C'est pas un Tommy, resto style 50s, c'est si, ça? Si, tout à fait. Oui. Un peu comme Memphis Coffee ou les trucs comme ça. Exactement. Bah, ça a deux pas. Hein. Ils sont quasiment dans le même périmètre. D'accord. Et ça, c'est demain à 19h, me semble. Voilà. Oh, ok. C'est sympa, bon, ça, bah, ouais. Oui, j'y suis allé une fois. C'est gentil. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Ça sera sympa. Moi, tu sais danser le. Faut que je m'y remette. Sérieusement, le rock acrobatique. Pas le rock acrobatique, non. Je fais rock'n'roll, c'est ça un petit peu la différence. Bah, le problème, c'est qu'ils peuvent pas le faire, le plafond est trop bas. Donc là, le rock acrobatique, c'est un peu compliqué. Ouais, mais Flipcat, mais... tu es pas grand. Hein. C'est vrai. Non, en fait. Flipcat fait rock acrobatique. Lui fait rock et l'autre fait acrobatique. Ouais, non, c'est pas tout à fait le rock acrobatique. C'est plus comme pour les concours, c'est ce qu'on peut voir à la télé que. Moi, ce que j'avais appris rock'n'roll, il y a une petite différence quand même. Ouais, bien sûr, il y a une grosse différence entre les deux. Entre le rock'n'roll et le rock acrobatique. Dans la façon de le danser, oui. Ah, bah largement. Oui. Elle est danseuse. Ah ouais. Oui, bah donc tu sais la différence. Ah, bah ouais, il y a une sacrée différence. Il y a pas une petite. Il y a des gens qui verront pas la différence, mais il y a une différence. Si, si, bah, la différence, c'est que la femme, elle vole pas à 3 mètres de haut. Non, mais le gars, il bouge aussi, attention. Ouais, bah oui. Mais t'as intérêt à avoir super confiance en ton partenaire. Parce que s'il te fait valser, il te fait valser. Hein. Ouais. La vache. Après, ouais, ouais, c'est du... Si, si, il faut quand même avoir... Normalement, quand tu fais comme ça, tu dois avoir ton partenaire. Tu vas pas... Tu oui, tu exactement. Pas un partenaire sur place. C'est pour ça du que... Du rock'n'roll, tu peux trouver un partenaire. Bah, même moi, je n'aime pas danser avec une nana que je connais pas. Mais tu oui, sais, voilà. Dans une émission radio aussi. Hein. Non, non, très sérieusement, parce que c'est vrai que... Bon, non, non, en général, ça, tu oui. le sais, je vais pas te l'apprendre. C'est le mec qui drive... Et très franchement, c'était mon ex qui m'avait appris. Et j'ai beaucoup de difficultés quand je dois danser avec une nana qui a un peu plus d'expérience au niveau de. Pour danser le rock'n'roll que moi. Oui, que moi j'ai. Parce qu'on n'arrive pas à synchroniser. Moi j'ai le problème inverse. Moi j'ai l'habitude de guider. Ah oui. Donc. On vous rappelle qu'on parle bien de rock, hein, parce ouais, que. Ouais. Oui, ça, oui, oui. Tu vas pas me l'apprendre. c'est, je vous écoute, c'est très. Il faudrait reprendre hors contexte, ça c'est très bien. Je vais vous faire une chronique là-dessus. La première rencontre de Flip Cat. Et Onissa. Je veux pas te l'apprendre, moi non plus. Non, non. Donc, non, mais non, c'est mais bien. C'est vrai hein, que c'est. Bien. Mais allez, c'est super chouette. Même oui. si tu danses pas, c'est super agréable à regarder, par contre. Absolument. Oui. Ah, les championnats de rock acrobatique. Mais enfin, il arrive un moment, comme tu dis, Onissa, confiance en partenaire, mais c'est des heures et des heures de répétition. Et on est sur des athlètes de compétition capables de faire des mouvements de cercle du soleil. Hein, quand non, tu non mais là, trucs, je parle, même quand tu vas, que c'est des amateurs, mais que tu vois qu'ils ont l'habitude de danser ensemble, même si tu vas à une soirée comme ça et que tu ne sais pas danser, c'est plaisant. Ah oui, oui, non, mais voilà, c'est sûr, bien c'est sûr. Mais c'est plaisant. Regarder, mais je pense, après, voilà, les bases du rock, de la samba, c'est toujours bien d'avoir au moins les bases, ouais. Parce que bah, au moins tu t'éclates. Hein, la danse de salon, c'est vraiment très agréable. Moi, j'aime beaucoup. C'est pour ça que ça m'embête un petit peu, parce que bon, de danser solo, ça, j'ai toujours fait, mais de devoir refuser parfois, parce qu'il faudrait que je m'y remette, et je vais m'y remettre. Oui, parce que c'est vraiment un plaisir, quoi. Ouais. Donc voilà, puis 6 mètres tout seul, ça fait toujours 6 mètres. Hein. C'est à 2, oui, ça c'est... fait 12. Ouais. Ouf, oh là ça y est. Ça, c'est pas moi, c'est Flip Cat. Il est 21h30, on a lâché le fauve. C'est les frangipanes, ça. Donc, moi, je vous rappelle aussi, dans les événements, si le 12 février pour la Saint-Valentin, vous êtes de Moucron et vous voulez passer une après-midi super festive, un bon dimanche, avec Véro Solo qui va chanter, etc., je participerai au chant aussi avec cette dame dans le quartier du Petit Courtrai. Donc, le dimanche. 12 février, c'est gratuit, il y a petite restauration sur place, il y a une animation, ça chante, ça danse et tout ça. Ça commence à quelle heure au fait ? On lance à 11h30. Ah ouais, 11h30 voilà. Jusqu'à plus soif, mais en général jusqu'à 19h. Ouais, souvent, voilà. Ouais, c'est ça. Nous en général c'est plutôt 22 et affinité, mais, ouais, c'est, ça, c'est, mais cool, c'est très hein, sympa. Voilà. Et si vous voulez m'entendre chanter, vous voulez passer le 14 février, mardi 14 février, pendant que vous serez dans l'émission, etc., je chanterai au Table de Bruegel à Moucron. Voilà, là, c'est mieux de réserver parce 50, que ouais, c'est, faut vite, réserver. C'est vite plein. Ça commence déjà à se blinder. Ouais, ouais, 50, les 50 plus belles chansons françaises, d'amour françaises et tout ça pour la Saint-Valentin. Voilà. Yeah. Puis pareil, comment je mange, j'ai toujours eu de ah oui, bons échos. On et y mange quand même. Il y aura un menu spécial Saint-Valentin. En plus. Et je fais faudrait le que tu nous le ramènes. Bah, je fais, ouais, je voilà. fais le dessert à la fin. Oh là, c'est toi qui fais la cerise sur le gâteau. C'est déjà blindé, c'est pour ça que j'ai toutes mes groupies. Et ma femme est sans fusil. Donc voilà. Non, mais ça va bien. Ouais, ouais, toi, ne ramène pas tes copines, toi. C'est le fond du rock acrobatique comme toi, ça va mal finir. Ah ouais. Bah, ça va être soirée rock and roll, ouais. Yeah. Et ne donnez pas de rosé au Nissa. Non, je vois que du soft maintenant. Ouais. Bon, Sherlock, si on t'emmerde, tu le dis pendant que t'as écrit. Pendant qu'on est en train de parler, Sherlock écrit ses mémoires. Ouais, non, mais Sherlock, il est assidu quand même. Il travaille. Ah, lui, il écrit MES, plus loin, moire. C'est mémoire. Ouais. C'est ça. C'est pas tes moires, c'est mémoire. J'étais juste en train de noter les titres que j'allais passer pour la pause musicale. Et bah, je peux vous les donner. D'ailleurs, on peut peut-être se faire une petite pause musicale. Dire, c'est très grave, tu dois les noter après que tu les aies passés. Parce que là, c'est très grave. Ça, c'est marqué dans le règlement. Hein. Je ne sais pas si tu l'as relu d'ailleurs. Non, du tout. Pourquoi il y a un règlement ? Oui, pareil. Ouais. Mais tu as raison, il faut transgresser les lois. C'est ça. C'est bien. Bah, surtout que c'est lui qui fait tout le boulot. Quoi, quand même. Et il faut savoir que la semaine dernière, j'étais pas là, mais j'ai quand même repris l'émission. Ouais, je l'ai renvoyé pour qu'on ait un podcast quand même sur le site. J'ai envoyé toute la playlist donc, parce que je vous ai écouté. Et la playlist rédigée par notre ami Canon. Voilà. Absolument. Absolument. De mes petites mains expertes et éliminées. Voilà. Et donc, là, j'étais parti sur le thème de Diable et Ange, tu vois, avec le titre Devil Inside in Excess. Ah. Devil Inside in My Sex. Non. Ah. Non. Yes. In excess. No. No. Yes. Yes. No. Sorry. Sorry. Yeah. Yeah, in excess. No. Sorry. Dumb speaking. Yes. I know. I know. Yes. Okay. No. No. No. No photo. Et ensuite les Eurythmics avec yes. There Must Be an Angel. Yes. Ah, c'est bon ça. I prefer the devil. Inside. Je me doute bien. Allez, bon, on s'écoute à tout de suite. C'est parti. The devil inside.

puise les morts quand ils dorment. Dans ma marmite, c'est l'épouvante. Quatre des bestioles dégoulinantes. Ce soir, je fais du bœuf au pipi. Car c'est la fête aujourd'hui. C'est la salsa du démon. Salsa du démon. En rut. Ça y est, ça, c'est excellent. C'est tout ce qu'il a retenu de la chanson quand même. Non, mais effectivement, bon, j'étais parti dans le thème démon, ange et tout ça. Je me suis dit, c'est incontournable quand même des années 80. On a dansé plus d'une fois là-dessus. Alors pas comme Canon le penserait, mais effectivement. Je pense à rien. Je te rappelle, c'est toi qui as sucé plus tôt. C'est vrai. Oui, alors justement, à propos de sucer, j'ai regardé les messages. Il y a Valérie qui dit, bah il faut lire hein, en fait. Hein, si les gars pouvaient arrêter un petit peu de sucer, puis si on pouvait répondre. Ouais, par contre. Et puis on a un petit coucou de notre ami Stéphane également. Ouais, pardon Valérie, c'est vrai que j'ai vu passer ton message, j'ai pas pu l'approuver. Effectivement. Je sais qu'elle m'écoute, elle va dire c'est de la connerie. Non, j'ai vu passer ton message tout à l'heure et de ma tablette, j'ai pas réussi à. En général, il faut approuver. C'est bon, j'ai pas réussi. Tu l'as fait, donc c'est bien. Et puis elle a noté donc... bon, arrêtez de sucer et répondez-moi les oeuvres. Oh, Valérie. Val. Eh oui, effectivement. Ça y est, ils ont fini. C'est vrai non, mais je connais. Il va falloir que je te parle, toi. Meilleur vœu. On est un peu dissipé. C'est vrai que Harry n'est pas là non plus pour nous canaliser. Mais pourquoi faire lui nous canaliser. T'as jamais remarqué que c'est nous cinq qui le canalisons? C'est vrai. Non, mais à l'antenne, il fait semblant qu'il nous canalise, mais en fait, c'est lui l'instigateur des plus grandes conneries. Hein. On a connu des émissions où il sortait de ses gonds. Hein, et encore, c'est nous qui avons dû le recentrer. Je me souviens d'une certaine émission où je devais essayer de faire deviner le film Amadeus à Harry. T'as failli t'énerver. Ouais. Là, ce jour-là, je crois que j'ai failli quitter le studio. C'est tellement il m'énervait. Mémorable. Ah oui. Ah ouais. J'adore. C'est ça. Mémorable. C'est ça. Il parle d'un truc. Pour revenir à la salsa du démon, moi, je me souviens souvent les soirées de Nouvel An ou les trucs comme ça, quoi. Les vraiment soirées festives, il y avait toujours ça. Les soirées avec les belles éputes. Ouais. C'est ça, ouais. Ah, ça y est. Il y avait ça ou il y avait. Alors attends, je vais essayer de retrouver. Le clip était pas mal. La compagnie créole ? Non. Mieux, écoute. Oh, les zombies là. Non. Non, la. Donne-moi du couscous, chérie. Non. Quoi ? Attends. Ouais, ça me dit quelque chose en plus. Ah, t'avais des soirées berbères, toi? Non, à chaque soirée. C'est Bézu. Oui. C'est Bézu et le grand Saint-Germain. Ah oui. My God. Eh, hey, t'as vu ça? Mais c'est vrai que c'était toutes les chansons qui passaient dans les soirées dans les années 80 aussi. Ouais. Pas forcément, enfin, c'était pas le même style que tout ce qui était New Wave et tout ça. Mais c'est vrai que dès que t'as un côté festif à donner à une fête, une farandole ou un truc comme ça, tu ressors ces titres-là, ça fonctionne toujours. En parlant de Bézu à la queue leu-leu. Ils ont passé dans une boîte homo. On dit baiser avec le même pas. Il y a eu va blesser grave quand même. Hein. Ouais. Ah, la queue leu-leu, mais Bézu qui faisait partie de la classe. Oui, ouais, la fait. Classe, ouais, c'était. La classe avec Pompon, El Château. Ah oui. El Château qui était le chanteur, mais qui a également participé à la comédie musicale, pas Notre-Dame de Paris, Roméo et Juliette. Oui, bien sûr, bah, il chantait bien. Château chantait bien. C'est vrai. Mais ça, la queue leu-leu, il passe plus dans les boîtes homo. Hein. Non, ils ont arrêté. Ouais. Ils ont jamais retrouvé le. Et à la pêche au moule, pareil. Ils ont jamais retrouvé le. Et donc, non, mais c'est vrai que c'était des bonnes soirées festives. Bon, on en fait encore, ça tourne. Oui, encore, bien sûr. Ça. Ouais. Moins la seconde, mais. Ouais, la première, ouais. La salsa du démon, mais c'est des titres dès qu'on veut ambiancer, comme on dit. Ouais. Et si vous, en Martinique, et si voilà. Vous voulez, si, je fais un petit clin d'œil là, si vous voulez danser aussi samedi, il y a le Nouvel An Berbère qui va se passer au Touareg à Waterloo, qui est un restaurant le Touareg, etc. On va faire la fête là-bas, on va chanter aussi. Enfin voilà, je dis ce petit clin d'œil. Là, c'est pas officiel, mais si vous voulez, voilà, le Touareg samedi, il y aura de l'alcool, de l'alcool. Ouais, ah oui, bien sûr. Non, pas de problème. Donc nous, on y sera. Moi, j'y serai. Du boulot. Je vais miauler un petit peu aussi, là-bas. Ah ouais. Et puis, on va faire la fête. Donc c'est samedi au Touareg. Ouais, je fais tous les restos là en ce moment. Voilà. Il va miauler partout. J'arrête pas de miauler. Ah bon, je petit show. Recherche une chatte pour mon arbre à chat, comme disait mon ami Martin Duchalier. Un ami d'ailleurs que je vais inviter à venir à l'émission avec son ami parce qu'elle est passionnée de radio. Je pense qu'elle en a fait. Et voilà. J'ai un ami qui a une amie et voilà, ils viendront certainement la semaine prochaine. Martin est sympa, ouais. Voilà, ils viendront la semaine prochaine pour découvrir l'émission. Voilà. Ah, et les cinglés que nous sommes. Et ça risque de donner avec eux. Je vais vous faire écouter trois titres. Oui. Vous allez me dire si vous connaissez les interprètes. Ouf. Alors écoutez bien celui-ci. DX7. Ouais, enfin, ça c'est... ça c'est le clavier. Ça c'est le clavier. C'est de parler à Dieu comme à ses voisins. Oh, dire attends. Que ça ira mieux, oui. Même quand tout va bien. C'est de voir le soleil au milieu des BT. Nuages. Oui. Et devant un avion. Mais je reconnais sa voix. Je l'ai jamais entendu de ma vie. Il chante, lui. Il a fait un titre, ouais. C'est qui? J'ai reconnu tout de suite sa voix. Alors, à l'époque, il avait anglicisé un peu son nom en finissant par I au lieu de I. Ah bon? Ouais. Il a chanté, lui. Oui. le titre, ça s'appelle Réussir sa vie. Enfin, homme d'affaires hyper important et politique. Ah, il y a eu Maille à partir. C'est ça. Je me dis, je la connais cette chanson. Oui, il a eu du mal à partir. Maille à partir. Ils l'ont forcé. Ouais. Alors, donc, ça s'appelle Réussir sa vie et c'est Bernard Tapie qui, à l'époque, se faisait appeler Bernard Tapaille. Le nanar. Ouais. Ce qui fait encore plus con, je trouve. Bernard Tapas. Bernard Tapaille. Alors. Vas-y. Écoutez bien celle-ci. Le titre s'appelle Absolument fou. C'est le compositeur ou il y a quelqu'un qui chante? Ah, non, ça va chanter. Ouais. Je me colle la tête contre des murs. François Hollande. Pas du tout. Il y a deux voix là. Non, parce qu'il se tape la tête dans les murs. C'est une voix truquée. Attends. Alors, c'était un animateur de télévision très très connu. Surtout décédé. Dans les années 80. Non, pas du tout. Il n'est pas décédé. Il est mort. Il n'est pas décédé, mais je crois qu'il a un abonnement chez Point Soleil. C'est Montiel. Bernard Montiel. Je me disais, je confondais avec un Noc qui est décédé. C'est Bernard Montiel qui chante Absolument fou. Tu as connu sa voix. Je suis tombé par là-dessus contre... cette semaine, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, histoire de le complimenter, c'est qu'en fait, sa voix a été reprise, a été remontée de un demi-ton, et en fait, ils l'ont mis en deux pour la splitter, parce que là, il n'y a pas qu'une voix. Ouais, bah oui, ouais, effectivement. C'est un trucage. Bah, sinon, ça aurait fait un peu plat, je pense. Hein. Ouais. J'en ai encore deux autres. Comme fait Woolsey. Alors, attends, je vais essayer de te trouver ça. Hop, qui balance, mais c'est vrai. Woolsey. Ouais, voilà. La voix, il prend, il, alors, il prend sa voix en mono, il la met à droite. Et à je vais vous passer une autre chanson, c'est celle-ci. C'est un acteur qui chante. Le titre, c'est Visiteur. J'ai bien de fermer. La première fois de sa vie qu'un homme. T'allais dire quoi, Christian Clavier ? D'entrer chez une femme en visiteur. Pardon, oh, attends. Qu'elle nous laisse un instant. On veut regarder. Il a chanté une autre chanson que j'ai également. On n'a pas le temps. Comme quand on met le doigt sur l'interrupteur. Dans le silence qui s'installe avant le mot moteur. On découvre son ambiance, ses goûts et ses couleurs. On s'en remplit la tête à toute vapeur. Quand je suis entré dans cette chambre. Alors, pas Claude Brasseur. Non, c'est pas ça. Je vais te faire écouter la deuxième. Vas-y. Peut-être que ça va te mettre un peu plus sur la piste. Écoute bien. Acteur connu quand même. Ah ouais, ouais. Déjà, je connais pas les chansons. Ça s'appelle L'amour, l'amour. L'amour, l'amour. Et c'est sorti en 87. Pas plein pour moi. L'amour, l'amour. Ça plane pour moi, tout petit la planète. Tous ces messages pour solitaires et rêveurs qui sont publiés dans la rubrique du cœur. Communiqués pour les chéris du bonheur. Tous ces cris écrits par la peur et la douleur. Femme asiatique cherche Cordeliane. Alors il y a Véro qui est avec nous dans le studio qui a trouvé. Femme asiatique cherche Cordeliane. Véro, t'as trouvé ça? Alors, vas-y Véro, dis-nous. Richard Berry. C'est ça. C'est Richard Berry. Oh, je vois pas reconnu. Et ouais. Richard Berry, ouais. Et j'en ai un petit dernier, alors celui-là. Ah ouais, c'est bon. Bon, à mon avis, vous allez le trouver, mais franchement. Il fallait que je la passe celle-ci. Celle-là est sortie en 85. Je vous donne pas le titre tout de suite parce que ça peut peut-être vous mettre sur la piste. Au moins, c'est beau. Le mec plus ultra. Ah ouais, ouais, je connais, mais. Toutes les filles sont dingues de moi. C'est pas Team Seat ? Non, c'est pas Team Seat. Un verre en passant. Je repars après les croissants. Méchant. Je suis le mec plus ultra. Voilà, donc le titre c'est Le mec plus ultra. La musique est magnifique. Premier dans tous les sondages. Il chante pas mal. J'y peux rien, je fais des rêves. Il faisait beaucoup de personnages dans le même style, hein. Oui, il faisait plutôt le rôle de loser. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Bah. Non, mais par rapport à tout ce que je viens d'entendre, là, ça me fait penser petit peu à Jonas. Ouais, ouais. Ah, il y a un côté. Il a une moustache. Oui. Il est blond. Je plais. Ouais. Ouais, ouais. Non, Walker Texas Ranger. Non. Légèrement enfin bien dégarni. Oui, bien dégarni, ouais. Michel Blanc. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Michel ça. Blanc qui chante le mec plus ultra. Regardez ça un peu. La nuit, les mères de famille retrouvent que j'épouse leur fille. Ah, il me rappelle Jonas. Ah ouais, c'est ouais. Bon. C'est vrai qu'il y a une petite intonation de voix. Un chanteur favori. Après, c'est, je dis pas, c'est peut-être Jonas qui l'a fait. Hein, ah, il y a un côté. Voilà, donc c'était le mec plus ultra. Par Michel Blanc, voilà. Bah écoute, je suis tombé là-dessus cette semaine sur quelques titres. En fait, je me dis mais mince, je savais pas qu'ils avaient chanté quoi. Et ah oui. Cependant, si ça s'est vendu. Ça s'est peut-être pas beaucoup vendu, mais ça s'est vendu. Il y a quand même Delon qui a fait parole. Oui, ouais. Ah ouais. Mais c'est beau avec Dalida. Ah oui, mais non, mais c'est clair. Enfin, lui, il chante pas quoi. Il fait que parler. Hein. Bah d'ailleurs, tu vas certainement bientôt lancer ta chronique et je te fais un petit clin d'œil avant parce que j'ai été voir Dalida. Oui. Et alors, c'est chouette. Il y en a, j'aime pas ce genre de film-là. Il est, comment le dire poliment, il est putain vachement bien fait. Ah, ah, c'est ah, l'actrice, elle est hyper crédible. C'est l'histoire de, on en parle ici, de bof. Vous avez pas envie de la voir. C'est un beau film, franchement. Ah, ça me fait penser à une que je n'aime pas, c'est Cotillard, Marion Cotillard, que j'ai trouvé monstrueuse dans La Môme. Ah, ouais. Bah là, c'est pareil. C'est l'histoire de Dalida. J'en ai déjà vu 2-3. Bah, même Orlando, de toute façon, il était scotché. Ouais. Il était, franchement, je devais vous en parler la semaine dernière, justement. Ah, pardon. Je connais pas l'histoire de Dalida. Je l'ai pas fréquenté, cette dame. Donc, on peut m'inventer n'importe quoi. C'est la façon dont le film est fait. Tu te dis que ça ne peut qu'être crédible parce que la façon dont c'est fait, c'est la logique d'une star et elle peut pas en être autrement. Quand tu vois, bah, celui Mike Brandt qui est décédé, ouais, voilà, t'entends tout ça, ça finit, on entend souvent un millier de fois la drogue, on entend un millier de fois le suicide, on entend un millier de fois le machin, les divorces, les trucs. La solitude. Et là, c'est vachement bien fait. Tu te dis, ça ne peut pas être autrement avec l'agent qui est sympa au départ, mais qui aimerait toucher un petit peu, pas que l'argent, mais le cul un peu. Quand il y a plus ça, il se fait prendre par un autre agent qui finalement, il y a le succès, il y a la star qui commence à être hégémonique et qui évidemment commence à se la péter. Et d'un autre côté, redevient humble parce qu'elle a des problèmes, elle se rend compte qu'elle a un vrai talent. Elle est... C'est vraiment l'histoire de tous les artistes, entre guillemets. Et c'est super, super, super bien foutu. Alors moi, j'étais scotché parce que je me suis retrouvé là par hasard à la suite de mon plein gré accompagné par quelqu'un et menacé d'une arme. Donc je vais me retrouver en siège du haut avant de mon corps pendant qu'elle regardait Dalida. Et dans 3-4 orgasmes plus tard, en regardant le film, je me suis dit, putain, il est vachement bon. Alors, sincèrement, c'était au Forever, c'était vraiment très bien. Voilà. D'accord. Ah, bah écoutez, j'adore, justement. Le siège du haut. Non. Oh, t'as tort, ils sont très bien. Justement, je vais vous parler des sorties ciné, donc pour la Belgique et pour la France, pour demain, donc le 18 janvier. Et je vais commencer donc avec un film. Que j'avais même pas entendu arriver, en fait, c'est Underworld Blood Wars. Ah si, quoi? Mais non, mais je suis tombé sur le cul, bon, je me suis dit, mince, ils en ressortent un. Bah, ils en parlent sur Facebook déjà depuis 6 mois. J'ai mis sur mon Facebook, toi qui ne suis pas le mien, la bande-annonce de, en disant, ah, ça y est, le 6e opus, 5e. Bah, dernièrement, j'ai vu beaucoup de Assassin's Creed, et celui-là a dû se noyer dans le flow. Et il y a également un autre film dont je vais parler juste après. Donc Underworld Blood Wars, c'est avec Kate Beckinsale, Theo James, Charles Dance, et c'est de Anna Forster. Ça sort le 15 février en France, et donc c'est le nouvel opus de la franchise qui suit la chasseuse de Lycan, donc les loups-garous. Ah, de Lycan. De Lycan, mais non, pas de Lycan. Je vois bien la femme. Oh, j'en ai vu là-bas, des lits de camp. Putain, encore un camping, c'est plein de lits de camp, je vais dire tout de suite dégager. Vampirella. Donc la chasseuse de Lycan s'élène face aux agressions brutales des clans Lycan et vampires qui l'ont trahi. Oh là, les clans Lycan et vampires, c'est dur à dire. Un clan Lycan. Avec ses seuls alliés David et son père Thomas, elle doit mettre fin à la guerre sempiternelle entre les deux clans, même si cela implique pour elle de faire le sacrifice ultime. Ah, vous avez déjà vu ? Non. Alors c'est... moi j'ai vu les deux ou trois premiers. J'ai trouvé que ça, c'était de moins en moins bien, forcément. Le dernier. Pour les suites, je me suis un peu fait chier, quoi. Clairement. Ah ouais ? Ouais, ouais. Ah, même dans le... T'as pas vu le quatrième ? Non, je pense pas. Ah, il est bon. Ils ont remis... Puis elle a pris un peu de maturité, l'actrice. Et je trouve qu'elle est beaucoup plus crédible dans son rôle. D'accord. Elle a plus d'arguments. Parce que maintenant, avec les Lycans, en fait, elle fait plus des combats. Et donc, je trouve qu'elle a pris de la crédibilité dans son rôle. Moi, j'aime bien. Ça manque un peu dans le film, la crédibilité des Lycans. Ok. C'est et bien, justement, envie, alors, donc, l'autre vidéo que je vois souvent passer sur Facebook, c'est... Le film Camping. La Grande Muraille. Ah oui. La Grande Muraille avec Matt Damon, Jing Tian et Pedro Pascal. C'est un film de Zhang Yimou. Oui, mais je sais. C'est con. Il y a le Zhang Yimou. Il devait prendre du ginseng, justement. Hein. Ouais. Bonjour, je m'appelle Zhang Yimou. Et donc, en France, c'est déjà sorti depuis le 11 janvier. Donc, entre le courage et l'effroi, l'humanité, la monstruosité, il existe une frontière qui ne doit en aucun cas céder. La Grande Muraille, bien forcément. Sûr. William Garin, un mercenaire emprisonné dans les geôles de la Grande Muraille de Chine, découvre la fonction secrète de la plus colossale des merveilles du monde. L'édifice tremble sous les attaques incessantes des créatures monstrueuses, dont l'acharnement n'a d'égal que leur soif d'anéantir l'espèce humaine dans sa totalité. Il rejoint donc alors ses geôliers, pour en gros aller buter du monstre, hein, clairement. En fait, nous, on croit que c'est juste une belle muraille qu'on voit de l'espace. D'ailleurs, on la voit pas de l'espace. Hein. Non. C'est un mythe. Mais en fait, non. C'est il y a des monstres au-delà de la Grande Muraille, et la Grande Muraille, c'est vraiment le dernier rempart pour sauver l'humanité. Voilà. Alors, sort. Mais en sincèrement, France. C'est un film historique à la. Mais c'est de la science-fiction. Ouais, c'est science-fiction, ouais. Ah ouais, c'est avec des monstres et tout ça. Hein. Ah merde, j'ai vu 6 fois en transversal, je croyais que c'était un film historique. Ah non, du tout. Ah d'accord. Ça part sur la oui, trame un peu historique, parce qu'on se dit, ouais, la Grande Muraille, au Moyen-Âge et tout ça. Mais en fait, non, c'est avec des monstres, en fait. La Grande Muraille est le dernier rempart qui maintient, en fait, cet équilibre. D'accord. Mais des monstres, ce serait plutôt dans quel genre, je sais pas, moi Harry Ouais, voilà, Godzilla, Là, je sais pas, parce que même dans la bande-annonce, on les voit pas, en fait, les monstres. Ah ouais, bien. Le PS. On voit une patte, on voit une patte, une griffe, un œil, ou un truc comme ça. D'ailleurs, moi, si j'ai un cadreur comme ça, je le vire, hein. Parce que si le mec, il me fait ça pendant tout le film, ouais. je veux pas un gros plan, mais au moins un petit plan large où on voit un truc normal. Moi, j'ai fait parfois des soirées, on était nombreux, je voyais qu'un bras, un œil. Ouais, ça dépend. Je vois bien les soirées. Pourtant, il y avait un caméraman. Et il n'y avait pas de licorne. Justement, il n'y avait pas de licorne. Tu dis justement que tu voyais un œil, ben, il a déjà tes yeux, c'est le prochain film dont je vais vous parler. C'est avec Lucien Jean-Baptiste, Vincent Elbaz et Zabou Breitman. C'est un film de Lucien Jean-Baptiste. On n'a pas encore de date pour la Belgique. Alors Lucien Jean-Baptiste, il avait fait La Première Étoile. Bonjour, je m'appelle Lucien Jean-Baptiste Bonaparte Léon. C'est ça. Ouais, bien sûr. Paul et Maria Sally, tout irait pour le mieux s'ils arrivaient à avoir un enfant. Jusqu'au jour où Sally reçoit l'appel qu'ils attendent depuis si longtemps, leur dossier d'adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il s'appelle Benjamin, il est blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux sont noirs. Ouais. Donc là, ça a créé quelques petits quiproquos. Pourquoi ? Enfin, des quiproquis. Ouais, bah oui, forcément. Il est blanc. Mais donc, c'est pour ça, il a déjà tes yeux. Donc voilà. Oui, pardon, vas-y. Non, vas-y, je t'écoute. Non, je rebondis, je croyais que... Mais en fait, non, c'est à la télé avec... comment ? Celle qui joue... Attends, je vais parler en français dans le texte, les auditeurs vont se foutre de ma gueule. Dans Les Visiteurs, la femme qui... Valérie Lemercier. Voilà, elle est en train de passer là où à TF1 ou RTBF, là, il y a un film qui va passer où justement elle part dans l'adoption. Non, ça vous parle pas ? Non. C'est un film qui sort ou c'est un film qui va sortir en téléfilm ? Ah, je sais pas. Je le vois à la télé en ce moment, transversal tout le temps. Je me dis, ça a l'air d'un truc. Ok, j'ai rien dit, merci. D'accord, non, je sais pas. Écoute, tu devrais arrêter la transversale en fait. Jamais. Et enfin, un film que ma femme va sûrement vouloir aller voir en siège duo forever, c'est le film Triple X Reactivated. Avec Vin Diesel. Je tirais bien quelque chose. Ah, tu m'étonnes. Si le Triple X il pouvait se réactiver, c'est ça, ouais. Ça serait bien. Donc, avec Vin Diesel, Samuel L. Jackson et Nina Dobrev. Alors, Nina Dobrev, pour ceux qui connaissent la série Vampire Diaries, c'est l'héroïne en fait de la série. Oui. Très belle fille, hein, d'ailleurs. Et donc, c'est un film de D.G. Caruso. Ta femme écoute. Hein. Ouais, non, mais c'est pas grave. Hein. Non, mais c'est très bien. Ça sort en Belgique, pardon, le 1er février. Donc, laissé pour mort après un accident, Xander Cage, donc, qui est joué par Vin Diesel, sportif de l'extrême devenu agent d'élite, sort de l'exil qu'il s'était imposé pour affronter le redoutable guerrier Alpha Xiang et son équipe. Il entre dans une course impitoyable afin de récupérer une arme de destruction massive, connue sous le nom de Boîte de Pandore. Recrutant une toute nouvelle équipe d'experts accros à l'adrénaline, Xander se retrouve au cœur d'une conspiration menaçant les gouvernements les plus puissants du monde. Donc c'est un film boosté aux hormones, à l'adrénaline, tout ce que tu as, testostérone quoi. Tu joues dedans ? Non. Bon, enfin. Bon, je comprends pas. Bah écoute... Oh, c'est vrai qu'on a des muscles aussi. Hein. Ils sont juste pas placés au même endroit. Over the bob. C'est ça. Ouais. Donc voilà. Alors, Canon, est-ce que tu as l'intention d'aller voir un de ces films-là ? Ah, je vais aller voir les trois. Les trois ? Bah, les trois dont tu as parlé. Non, chez les... Il y en a eu quatre. Hein. Ouais, mais non, il y en a un. Ouais, pardon, il y en a un qui me plaît donc pas. Donc, Underworld. Oui. Oui. La Grande Muraille. Oui. Oui. Donc il a déjà tes yeux. Non. Non. Et triple X. Oui. Ouais, d'accord. J'avais bien suivi. Je sais qu'il a déjà mes yeux. Odissa. Triple X. Triple X. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. On va aller à deux. On va se faire à double. On va se faire triple X en double. En vertical. Alors Véro. Moi, il a déjà mes yeux. Il a déjà tes yeux. Ah d'accord. Bon ouais. Oh, bah bravo. Félicitations. Ben, oui. Et Flip 4. Moi, la Grande Muraille. Par curiosité, mais. D'accord. Bah c'est en Chine. Et toi Sherlock? Bah moi je pense les trois pareil que Canon, ouais, les trois me tendent. On a un peu le même univers, Sherlock ça, ouais. Et moi, et puis il aime bien aller à doublette dans les sièges du haut. Puis bon, triple X ça. J'ai vu un film de manière complètement légale ou pas hier. Vous connaissez Django de Tarantino? Ah Django Unchained. Django. Je connais mais j'ai jamais vu. Ah oh, si c'est puissant. Ouais. C'est un phénomène. C'est un phénomène. Tarantino, c'est un malade là-dedans. Oui. Mais j'ai moins aimé le Kill Bill par exemple, etc. C'est du grand Tarantino, mais mm-hmm. il faut rentrer dedans. Par contre, c'est Django, hein. Django Unchained. C'est fabuleux. Mm. C'est un... Il y a Denzel, non pas Denzel Washington, non, celui que tu m'as non, dit du Shield. Ah, Samuel Jackson. Ouais, qui joue Samuel, dedans, mais ouais. Qui est complètement mis en mec de 80 ans là-dedans. Je l'ai pas reconnu, j'étais devant ma télé comme ça, je dis, c'est pas possible. Et c'est un mec qui lui ressemble et ils ont fait en sorte. Non, c'est lui complètement grimé. Et c'est un truc de malade. C'est une puissance, ce film. C'est mais Tarantino, j'adore. Hein, comme Le pitch, c'est un black, parce que je parle un négro, hein, et là je suis pas raciste, vous avez bien compris que je parle du film. Hein. C'est un black, c'est un négro, on est en pleine époque de l'esclavage. Hein. Et en fait, se fait complètement enlever avec sa femme. Ils sont rejetés de chaque côté et lui décide de la retrouver, mais il rencontre des gens ubuesques et puis des chasseurs de primes et tout ça, et un qui lui fait confiance, mais c'est du Tarantino, c'est sanglant, c'est interdit au moins de 16 ans, c'est une folie furieuse, c'est pas du Kill Bill ridicule. Non, là ça gicle. Oui, mais il y a des scènes... bien les films de Tarantino, ouais. Quel film de Tarantino n'est pas sanglant. Ouais, mais là lui celui-là il y a du truc au colt quand ça dégaine, etc. Ouais. Et que celui-là est puissant. Au moment où il tire, il retire la moitié de la tête d'un cheval, mais vraiment, et au ralenti tu vois le truc, mais la masse, et il est marqué à la fin, aucun cheval n'a été blessé, il suffit d'effets spéciaux. T'as des tirs au colt où tu vois les chevaux se prendre des, parce que c'était se prendre des balles avec l'œil qui explose et le mec qui est derrière, la rate explose, il y en a partout. C'est, comme je vous dis, c'est un très bon film. Super sympa. Une soirée familiale avec vos enfants de 5-6 ans, c'est bien. Ils sauront, quand vous leur dites jouez pas avec un couteau, ils comprendront que ça peut. Et puis ça va crescendo. Hein. Ah, ça va crescendo. La fin est apocalyptique. Ouais, c'est un truc de malade. Et ça s'arrête à la. Et ça... Ouais, deux fois. Et la fin, c'est vraiment ça monte, c'est apocalyptique et ça s'arrête en 45 secondes à la Tarantino. Prouk, avec le machin et poum, générique. T'es frustré, presque. Ah, c'est. Pouf! Voilà, Django Unchained. C'est un film à voir d'urgence. J'ai jamais vu, j'en ai vu pas mal des Tarantino, mais alors celui-là, j'ai pas encore vu. Tu te mets la soir, tu rentres à 22h30, tu rentres dessus, tu dis ouais, je vais être fatigué, je le couperai. Non. À 23h, t'es devant, tu dis combien? 2h30 de film, pas de problème. C'est impossible de quitter. C'est puissant. Ouais. Merci. Je parlais du film. Donc voilà. Flip 4, en parlant de puissance. Non, d'accord. Tu l'as vu? J'ai commencé à le regarder, oui. Et t'as zappé? Mais j'aime bien, oui. Non, mais je vais le regarder en entier la prochaine fois. Tu devais récupérer ton... T'as pu le zapper? Non. Bah, attends, j'ai dû le zapper, j'ai pas le choix, oui. Il y a Star Trek aussi, le dernier, que j'ai pas aimé du tout. Into Darkness? Ouais, j'ai pas aimé du tout. Je l'ai regardé, ouais. Ouais. Voilà. Ouais, voilà. On n'est plus dans l'esprit, j'ai pas aimé. Non, moi j'attends le début avril... Avec Les Gardiens de la Galaxie 2. Oui, 2, bien sûr. J'ai vu la bande-annonce avec Bébé Groot. J'ai trouvé ça excellent. Bébé Groot est revenu. Bébé Groot, j'ai trouvé ça excellent. Et au mois de février, il y aura un beau film. Il faut penser aux femmes, quand même. 50 nuances plus sombres. Ouais. Bah, c'est un truc pour adolescents, ça. Non. Bon, attends, le jour où tu claques quelqu'un contre un mur, tu l'attaches, tu lui fais pas ce qu'il lui fait. Moi, je te la prends pendant une heure. Là, t'as un plan séquence, 10 secondes après, c'est terminé. Non. Il va y avoir un remake d'ailleurs de 50 nuances de gris en France avec Denis Gray. Denis Gray, ouais. Après le départ de François Hollande. Voilà. Oh là là là là. C'est lamentable. C'est pas vrai. Bah ouais. Et sachez pour tous ceux qui suivent, non mais c'est 50 nuances de plus, hein, qui est la suite de 50 nuances de gris pour ouais. toutes les plus femmes. Plus sombre, hein, pas plus. Plus sombre, ouais. Pour, bah, tout, pour toutes les femmes célibataires qui ont un god et qui se font chier. Même voilà. sans god, les filles. Et la séance, les deux séances au Forever sont complètement blindées. Blindé. Je me doute, ouais. Il y a ma femme qui a fait la gueule parce qu'elle voulait, y aller, elle avait réservé. Mais par contre, ouais, je dis attends, toujours... la soirée, elle est grillée. Bah, je dis, ouais, fallait y prendre avant, c'est normal. Un bah, petit truc. Tu le sais, ça fait un an qu'elle a vendu l'annonce. Mais moi, je dis. Ma femme éconne aussi. Non, pas du tout, je ne me permettrai pas. C'est toi qui aurais dû prévoir quand même. Quoi ? Bah, la réservation. Je vais prévoir la réservation pour 50 nuances. Bah, bien sûr. Mais attends, je lui fais 300 nuances, moi. Non, mais au moins, elle peut comparer quand elle rentre. Oui, c'est vrai. Bon, ouais. Tu vois, t'as loupé quelque moi, chose. Moi, elle me voit en couleur. Et bien bah, là, c'est mieux en noir et blanc. Non, mais moi je dis toujours aux nanas, c'est bien d'aller voir le film et lisez les bouquins avant. Oui. Il y a beaucoup plus de. Non, c'est. Trouver... Hey, faites pas comme on dit ça. Mais c'est le problème, justement. Hey, trouver si elles vont voir le film après avoir lu les bouquins. Trouver un mec qui vous le fait. Mais moi je l'avais, mais bon. Mais c'est ça le problème, c'est que si elles lisent les bouquins, elles vont être déçues par le film. Oui, c'est pour ça que j'ai pas été voir les bouquins. Les films. Mmh. J'ai lu tous les bouquins. Bah ouais, voilà. Moi, toutes les nanas qui m'ont fréquenté vont pas voir le film, ni lisent pas les bouquins. elles me demandent de leur téléphoner. Enfin, et tout voilà. à l'heure, on a eu un petit jingle de partenaire particulier. Et est-ce que vous vous souvenez de la deuxième chanson qu'ils avaient sortie ? Je l'ai vue il y a deux jours. Et, et comme j'ai une mémoire exceptionnelle, mais pas le lundi. Voilà, tu l'avais et hop, elle est partie. Ah, ouais, c'est pas sexuel, je l'ai vu. Alors... si, c'est ça, très. Hein. C'est très sexuel. Ouais. Mais pourquoi vous parlez toujours de sexe avec moi ? Bah, non, c'est... non, mais c'est ça. C'est... Tu nous tends toujours la perche. Mais je viens de lui dire le titre, hein, c'est ça le pire. C'est quoi ? Elle est partie. C'est ouais. vrai ? Ouais. Elle est partie ? Elle est partie. Tu c'est peux nous le faire juste ? T'es au revoir là aujourd'hui. Elle est partie. Et ben, donc ce que je vous propose, c'est pas Sherlock aujourd'hui, c'est mini moi. C'est ça. C'est Casimir. Casimir, moi je suis parti. Ah j'adore. Si loin d'ici, dans la nuit de folie. C'est un fou. Et toi qui es bon imitateur, tu devrais vraiment lui faire Dorothée, je t'assure qu'elle te saute sur le jour. Elle te le pèle. Il y a sa femme à côté. Donc, ce que je vous propose, c'est d'écouter justement Partenaire Particulier avec Elle est partie. Et ensuite, bah pareil, une chanson de Michael Jackson qui date de 83, qui est sortie en 2014. qui s'appelle Love Never Felt So Good. C'était sorti en 2014 avec Justin Timberlake, mais il y a eu aussi également une version juste avec Michael Jackson, et c'est celle-là que je vous propose d'écouter. Michael Jackson, juste, c'est bien. Allez, écoutez ça. Je lis et qui pendant tout que so good. So lonely, it never felt so good. Never felt so good. Yeah, it never felt so good. You, you, never felt so good. C'était Michael Jackson avec ouais. Love Never Felt So Good. C'est bon d'entendre ça, ça fait justement, tu nous disais là à l'instant en antenne. Ouais, alors justement, là il y a trois albums posthumes qui sont sortis de Michael Jackson. Donc je me souviens plus les noms des albums. Il y a Michael, il y a Xscape. Non, il y a Michael, il y a Xscape et encore un troisième, il me semble. Et normalement, il doit encore y en avoir sept qui doivent sortir. Ouais, j'appelle ça les albums grosses tunes, moi, plutôt que posthumes. C'est parce ça. Qu'à un moment, ouais. ça rime plus à rien. Qu'ils fassent un album en disant. Seul, ouais, voilà. Moi, j'aimerais bien même un truc granuleux, tu sais, où même il n'y a pas de reverb et tout, qui est remasterisé, où tu dis, bah voilà, c'est l'album posthume, où il y a des chansons, où tu l'entends tout seul. T'as des pianos parfois pas bien placés, mais tout le monde le prend. C'est vraiment les fans, c'est se dire, c'est attends, c'est ils chantent c'est en studio. Ah ouais, mais c'est clair. Il ouais, y a même une fausse note à un moment, on entend quelqu'un parler derrière. Tu vois vraiment l'album posthume, des trucs qu'on n'a jamais entendu, se dire ces trucs. Là, tu te dis, bon, cet album. Attends, cet album, ça rime à quoi? Il n'a pas fait 280 masterisations de trucs qu'il aurait voulu sortir et qui étaient dans les bacs, quoi. C'était... Il a fait beaucoup, ouais. beaucoup de titres. Ouais, beaucoup de titres, mais pourquoi ils ne sont pas sortis? C'est ce qu'on appelle des démos, ouais. C'est ça, ouais. Il y a eu beaucoup de démos chez moi, j'en ai beaucoup, parce que j'aime bien Michael Jackson. Ouais, ouais. J'ai beaucoup de démos, j'ai un coffret avec plusieurs CD, notamment avec We Are The World, mais où il est tout seul au piano et il chante la chanson, mais même pas avec les paroles qu'on connaît dans la chanson. Donc il y a vraiment des trucs assez rares. Et bon, je me doute que ça va sortir un de ces quatre, hein, mais c'est vrai que j'aime pas tout ce qu'ils ont sorti, par contre. Les orchestrations, les choses comme ça... comme là la chanson avec Freddie Mercury que Queen a ressorti, ils ont ressorti ça de façon même je pense que Queen à l'époque l'aurait peut-être pas sorti comme ça, ça fait trop rock, trop guitare saturée et je trouve que c'est pas dans l'esprit Queen en fait. Oui. Et c'est sorti je pense pour faire un peu de thune aussi, tu vois. Ouais, voilà. Ça Queen de trop en fait. C'est ça. Ah bah moi, Queen, ça sera toujours pour moi l'emblématique, c'est Bohemian Rhapsody. Ah oui. Quand t'as su écrire ça, un jour, tu te dis. C'est clair. C'est la plus belle œuvre pour moi de Queen, franchement. Voilà. Mais après, ça date de 75. Ça date. Ouais. C'était en Israël, ça. Non, c'était. Ça part. Écoute, même pas, je dis des bêtises, c'était pas en Israël, ça date. Quelqu'un m'aide là, l'Égyptien? Qui ça? Sadat. Anwar el-Sadat. Mohamed Sadat et Mohamed Begin. Je sais même plus. C'était israélien, non? Ça vous parle pas? Ouais, moi je dirais plus. Parce que j'aime pas sortir des conneries non plus. Ouais. Je dis Sadat en rigolant, mais c'était pas israélien. Parce que s'il y a des Palestiniens qui m'appellent, je m'appelle. Sauf qu'on me prend une balle. Sauf qu'on me fait un trou de balle. Sauf qu'il était pas suédois déjà. Il était pas suédois. Non. Mais bon, on s'en fout, Sadat. Hein. Ouais. Ah ouais, non. C'est pas vrai. Je l'ai préparé depuis une heure. C'était une blague qui était très très drôle. Bon. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Bonsoir à tous, à mon petit fil, en passant par ton live. Bon live. Et pas de groupie ce soir, qui c'est qui marque ça? Pas de groupe. Pas de groupe. Je croyais que c'était pas de groupie, j'allais dire des groupies, y'a que ça. Non, Flipkat a eu un petit souci, donc il a pas pu faire sa chronique. Nous, c'est pas groupon.com, c'est groupie.com. Donc voilà, bah écoutez, Elle me demandait si tu pouvais pas, parce que tout à l'heure tu avais parlé de Mike Brandt, si tu pouvais pas nous faire une petite interprétation. Ouais. Petite interprétation. Laisse-moi me barrer. Non, bon, il n'y a pas besoin de chanter, on le laisse. De Mike Brandt. Non, parce qu'elle a dit que c'était son fantasme, donc voilà. D'accord, eh bien écoute, je vais essayer. Ouais, fais-nous. Vas-y, t'as fait. C'est comme ça que je t'aime. Comme un fou qui se meurt. J'adore. J'ai ton sang dans mes veines. Et après, je sais plus. Ah si, hein. Et je suis fou de toi, voilà. Ma vie s'arrache en douleur et... en douleur souvent. Ouais, ou en voilà. couleur peut-être. Ouais, en ouais, couleur. Non, c'est en douleur au départ. Plus douleur. Enfin voilà. C'est 50 nuances. Bon, eh bien, on arrive au terme de l'émission et tu nous parlais de Bohemian Rhapsody qui était la. La plus belle chanson de Queen. Pour moi, mon humble avis. Je pense aussi. Alors, c'est pas celle qui s'est le plus vendue. Non, mais, oui, mais c'est une œuvre. Mais c'est ouais, c'est Another One Bites the Dust, il me semble, ou A Kind of Magic. C'est l'une des deux, je pense, qui c'est le. Ce que je veux dire. C'est plus vendu. J'ai aucun talent là-dedans, mais je crois Radio Gaga. À force de faire de la musique et d'entendre des groupes et voir des choses, c'est comment le mec un jour a pris la partition avec des gars avec des longs cheveux et des guitares électriques et tout ça, et s'est dit Mamma mia, mamma. Il a écrit tout un truc et à la fin ça sonne avec des guitares électriques, des trucs de basse, Mercury qui survole tout ça, et avec des mecs en train de se prendre des joints avec des longs cheveux, ils ont réussi à sortir Bohemian Rhapsody. Pour moi, c'est écoutez, c'est moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se quitte avec cette chanson, justement. Skittons-nous. On se retrouve la semaine prochaine, donc même heure, même antenne, 20h, 22h30. Ouais, j'ai un peu de mal, mais... 20h, même en Belgique, ça se dit 20h, 20h, 22h30. À tantôt. J'ai jamais compris les Belges qui disent à tantôt, alors que c'est pour plus tard. On aurait dû dire à tantôt. Ah, ouais. Si c'est demain, c'est plus tantôt. Hein. Ah bah tous les Belges, ils disent à tantôt. Hein. Mais moi, ça veut dire c'est quand on se revoit dans l'après-midi. Il est 2h du matin, on se voit dans 3h, c'est à tantard. Bon, voilà, vous avez compris. Dans une boîte échangiste, c'est à tante. C'est tout, et à tente de camping. Je pense qu'il est temps pour nous de se quitter. On se retrouve donc la semaine prochaine, même heure, même antenne. Ah, c'est con, je ne pense pas avec tout le monde, je sais pas. Pardon ? Bon ? Ah, pourquoi tu n'arrives pas à penser tout seul ? Si. Non, tu nous dis que tu ne penses pas avec tout le monde, mais pense seul. Bah, si, Harry sera là, normalement. Harry sera là. Moi, je serai là. D'accord. Onissa ? Toujours prêt, comme les scouts. D'accord. Bah, moi, je serai là, ouais. Tu seras là aussi. Ouais. Et mais toi, t'es pas là. Mais moi aussi, logiquement. Mais t'es pas là. Pas là. Si ça change pas, si je ne suis pas malade, ça va aller. Bah, vu les conneries que t'as sorties et ta femme qui te regarde, je crois que tu vas revenir déjà énuclé, émasculé. Énuclé. Voilà. Circoncis, tout au moins. Énuclé, c'est pas une contrepréterie dans Enculé à l'envers, hein. C'est énuclé. C'est vraiment l'œil, hein. Ah, qui précise encore. Enfin, c'est pour aider ceux qui ne comprennent pas et qui ne parlent pas flamand. Donc effectivement, si la semaine prochaine, il n'y a pas de... Tourista général. Ouais. Eh ben, on sera là. Voilà, donc on se quitte avec Bohemian Rhapsody de Queen. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ouais, allez, ciao. Allez, ciao. Tous au minoï. Oui. Slide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a cool boy. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Doesn't really matter to me. To me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Gotta leave you all.